Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e numéro de la FCast déjà, après un mois d'absence. On a sauté un petit numéro le mois dernier parce que les emplois du temps des uns et des autres faisaient que c'était peut-être un peu compliqué de se retrouver. Et donc on revient plus motivé que jamais et plus nombreux que jamais aussi pour parler de jeux vidéo, avec pour thème aujourd'hui nos plus beaux souvenirs de gamers. Donc on va parler d'expériences qui nous ont marqué dans notre vie de gamer. Et pour l'occasion, je suis accompagné de Fabien. Salut Fabien. Salut. Ça va ? Ça va bien. Fidèle au poste. On va pas te présenter vu que tu as déjà été présent plusieurs fois. Ouais. Mais voilà, j'ai hâte d'avoir tes petits retours, tes petites expériences de gamer partagées avec nous. Nouveau dans l'aventure, Théo aujourd'hui. Salut Théo. Salut. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour que ceux qui ne te connaissent pas puissent un petit peu identifier ton profil de gamer? Ça marche. Bah maintenant, ça y est, je viens d'avoir 20 ans. Je suis passionné de jeux vidéo depuis que je suis petit. Donc, okay. J'ai commencé avec mon père, donc à l'âge de 4 ans déjà. Voilà, il m'a initié au jeu. Tombé dans la marmite carrément. Malheureusement, ouais, voilà, je suis tombé, je suis jamais ressorti. Donc voilà. Et n'est pas gros pour autant. Mais voilà, n'est pas voilà. Et à quoi est-ce que tu joues? Enfin voilà, quel est à peu près ton profil? Principalement, j'aime beaucoup les jeux en multijoueur. Ok. Après, je fais aussi pas mal d'open world parce que c'est ce que j'aime le plus. D'accord. Parce que je me ressource bien, j'arrive à me libérer. Souvent, après une journée de travail, un petit open world, c'est toujours plaisir. Et du coup, open world, console, PC? Console plutôt. Et les jeux multi aussi? Jeux multi aussi, mais bientôt PC parce que je vais passer sur PC okay. Prochainement. Ouais. D'ac, ben, hâte de voir ton évolution sur PC bientôt. Merci. Et on a aussi Duncan qui est avec nous. Ça va, Duncan? Bonjour ou bonsoir, dépend à quel moment vous écoutez. Exactement. Le podcast. Ouais. Or, moi, je suis un joueur PC, pur jeu. Ouais. Vraiment le vieil ours PC, moi, comme vous allez le comprendre au fur et à mesure du podcast. Néanmoins, je ne suis pas sectaire, hein, je joue aussi sur console. Ouais. Voilà. Surtout depuis quelques années. Parce que là, l'évolution du jeu PC, notamment le tout dématérialisé, a tendance un peu à m'agacer. Donc, sur console, on est encore un peu à l'ancienne, donc ça dépend des jeux. Donc des fois, je suis sur console, des fois, je suis sur PC. Mais voilà, mon profil, c'est vraiment le joueur PC. Donc, si mon collègue a besoin d'un peu de renseignements là-dessus, il n'y a aucun souci. Bon, en tout cas, hâte d'avoir tes retours par la suite. La tradition veut qu'on commence par présenter chacun une actualité qui nous a marqué au cours du mois précédent. Qui a envie de se lancer en premier et nous parler d'une actualité marquante du mois passé? Duncan, je te vois enthousiaste. Moi, je vais partir sur une actualité, à mon avis, qui va sortir un peu du lot. Parce qu'à mon avis, on va retomber sur du Nintendo très rapidement. Probable. Que ça a été vraiment le gros morceau, je pense, de ces dernières semaines. Moi, je voulais parler quand même d'Apex Legends. Ouais. Un jeu qui est sorti un petit peu de nulle part. Venant de Respawn, on attendait un nouveau Titanfall, le second ayant eu plutôt de bonnes critiques, même s'il a pas très bien marché au niveau commercial. Le deuxième a pas marché, non. C'est un peu dommage, mais bon. Donc les joueurs attendaient un nouveau Titanfall, et puis ils sont arrivés, comme ça, ils ont dit « Non, on va vous présenter un Battle Royale, c'est la mode. Ouais, » Tout le monde les yeux écartés, mais qui est-ce qu'ils vont nous balancer? Puis finalement, Apex Legends, c'est pas si mal que ça. Ouais, carrément. Alors moi, je suis pas un grand fan des Battle Royale, mais j'y ai joué une bonne petite semaine et ma foi, j'ai plutôt apprécié. J'ai bien aimé surtout les différentes nouvelles idées qu'ont apporté les développeurs avec ce jeu uniquement en escouade. Donc pas, bon, pour un joueur un peu solitaire comme moi, c'est un petit peu embêtant, mais c'est pas dramatique. Après, le jeu est pensé pour que tu n'aies même pas besoin de discuter avec les autres. Oui, c'est ça, j'allais y venir. Le système de communication est génial. C'est basé sur du ping où à la rigueur tu as un petit menu qui te permet rapidement de dire attention il y a un ennemi là ou attention ici ou autre. C'est très instinctif, c'est bien fait, c'est chose rare, bon à part Fortnite, mais je pense surtout à PUBG, ça fonctionne très bien. Oui. Il n'y a pas de problème technique ni rien, voilà, ça bug pas, ça ralentit pas, c'est vraiment très sympa à jouer. Non, vraiment une très bonne surprise que j'encourage à essayer au moins. Parce que c'est gratuit, donc il n'y a pas de raison. Pour expliquer rapidement, bon, c'est du Battle Royale, mais c'est à 60 joueurs, si j'ai bonne mémoire. C'est ça. Ouais, et par équipe de 3, du coup. Par équipe de 3, avec pas mal de concepts assez nouveaux. Ne serait-ce que le parachutage, il ne se fait pas comme les autres jeux, c'est pas aléatoire, on choisit, on est en groupe, on peut dire je préfère aller là ou là, il y a certains endroits où il vaut mieux aller, d'autres moins, c'est vraiment, vraiment très sympa de bout en bout en fait. Le système aussi de récupération des coéquipiers, j'ai adoré. Ouais. Vous faites abattre, vous pouvez revenir en jeu si vos coéquipiers jouent bien, c'est vraiment excellent. Les joueurs, c'est pareil, contrairement au Battle Royale classique, on n'a pas un personnage de base qui débarque sur la zone complètement à poil. Là, on choisit un héros avec une capacité active, une capacité passive, et on joue en fonction de ses capacités, et c'est suffisamment varié pour vraiment s'éclater. Bon, je ne me souviens pas de tous, mais il y a par exemple un personnage, c'est un espèce de sniper. Suivant ses capacités, il peut voir plus ou moins les ennemis. Il y en a un autre qui a le grappin, il y a le soigneur. Ouais, il y a quelqu'un qui fait des portails pour se téléporter. Il y a un personnage okay. Un peu design ninja, je crois. Ouais, voilà. C'est ça, tu peux faire des portails. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le grappin. Bah, du coup, attraper les ennemis avec le grappin, moi, je trouve ça fun. Ah oui, ouais, j'avoue que ça, c'était... Théo, du coup, tu as l'air de réagir sur le jeu. Bah oui, cette annonce-là, c'était un matin. Là, il y a le trailer qui sort le matin. Ouais. Ou le soir, je le télécharge. On le prend, on commence à y jouer comme ça. C'était pas prévu vraiment, mais on l'a testé comme ça sur le coup. Bah, dans un premier temps, ça nous a vraiment plu. Il y a vraiment un tas de nouvelles choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir comme le disait Duncan, dans les Battle Royale. Donc c'était plutôt intéressant justement. On sent vraiment le jeu d'équipe en escouade. Il est vraiment présent. C'est pas comme sur les autres Battle Royale où on pourrait se dire ok, on est juste avec un collègue, il a un stuff différent. Là, chacun a sa capacité. Donc chacun va devoir apprendre à jouer son personnage. Et le fait d'avoir justement ces trois personnages liés ensemble avec des compétences différentes, bah, on va pouvoir aller chercher les kills, la victoire. Après, c'est mieux de jouer entre potes qu'on se connaît déjà. C'est clair. C'est mieux, mais même quand on est un joueur un peu solitaire comme moi, bon, les premières parties, il faut vite fait s'habituer. Mmh. Encore que, si vous découvrez le jeu, moi, je vous conseille vivement de passer par le mode entraînement et de prendre votre temps. Il y a un tuto. Ne faites pas le tuto. Ouais. Justement, ou faites le tuto jusqu'à un certain stade, je crois, jusqu'à qu'il délivre les armes. C'est ça. À partir de là, explorez. Ouais. Mais vraiment explorer. La carte est tellement bien faite, vous pouvez vraiment explorer les mouvements, les différentes armes, différentes munitions, comment ça marche, etc. Prenez vraiment votre temps à ce moment-là. Si j'ai bonne mémoire, le tuto, on commence avec les déplacements. Au bout d'un moment, il nous dit prends une arme, teste, etc. À partir de là, vous arrêtez. Quand, de toute façon, vous le verrez au sol. Hein, il vous dira voilà, t'as plein d'armes au sol, amuse-toi. À partir de là, prenez vraiment le temps d'explorer, de parcourir la carte, même juste de parcourir la carte, parce que vous allez apprendre comment grimper, etc. Parce que même si. Alors, ça se déroule dans l'univers de Titanfall, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais, exactement. Il n'y a pas les gros robots. Par contre, il y a le système de déplacement. Le système de déplacement, le maîtriser, c'est vraiment quelque chose de très important dans le jeu. On peut glisser, on peut sauter, on peut grimper sur les murs, etc. Et les connaître, c'est vraiment essentiel aussi à ce jeu. Et voilà, moi j'avoue que, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas très Battle Royale, mais bon, Fortnite, le système de construction ne m'a jamais vraiment plus... Alors que moi, je trouve que c'est ce qui fait la richesse du jeu. Et oui, ça fait l'intérêt, ça fait l'intérêt du jeu, mais moi, je n'ai pas accroché. Ouais. PUBG, bon, au-delà des soucis techniques, on va écarter ça tout de suite, sinon on n'a pas fini. Mais PUBG, je n'avais pas plus accroché que ça non plus. Bon, Apex Legends, j'avoue que son petit côté frais, ce petit vent de fraîcheur qu'il amène, moi, m'a beaucoup plu quand même. Non, et là où ils ont été forts, c'est que l'éditeur a vu le succès de Fortnite et s'est clairement inspiré de Fortnite sur les méthodes de communication. Ah, finalement, oui. Pour le lancement du jeu, ça a été des opérations sponsor avec tous les influenceurs, streamers, youtubeurs. Ça a très bien fonctionné. Les premières annonces sont venues de Twitch, en fait. Ah oui, tu parlais du trailer, mais le trailer, elle est arrivée après. La veille, tu avais plein de types qui jouent beaucoup à Fortnite ou à PUBG qui disaient « Venez demain, on va vous présenter un nouveau jeu ». Certains avaient même donné le titre, il me semble, et le lendemain, on a le trailer, on a le jeu qui arrive. Mm-hmm. Plein de vidéastes sur Twitch ou de streamers qui présentent le jeu. Et surprise totale, parce que ça s'est joué sur quoi, 24 heures quasiment. C'est impressionnant. Voilà, d'habitude, dans le monde du jeu vidéo, on te présente le jeu limite 3-4 ans avant, et puis tu traînes aux infos, etc. Quand un jour, t'as pas l'éditeur qui débarque, ah mais au fait, on avait annoncé ce jeu-là, tout compte fait, on l'a annulé, ou t'as la méthode Electronic Arts qui lui casse carrément le studio, bon, notamment là, pour un jeu Star Wars. Là, mais là, 24 heures, on vous balance le jeu. Là, et là, finalement, le plus surprenant, c'est que du coup, c'est un jeu... alors, c'était peut-être un Titanfall au départ, qui a peut-être été revisité, puisque le succès des Battle Royale, c'est quand même assez récent. Et arriver sur un produit qui est aussi bien fini en aussi peu de temps, moi, je suis quand même assez sidéré. Après, le jeu n'est pas sans défaut. Alors, autre chose qui, moi, m'a particulièrement plu dans le jeu, c'est ce côté vertical. Dans le sens où on peut atterrir sur des vaisseaux, puis revenir en bas. Ouais, il y a les systèmes de grappins, de cordes, etc. Par contre, justement, là où tu parlais tout à l'heure de la partie entraînement, on prend le temps de découvrir les déplacements, etc. Moi, je vois ça limite comme un défaut, parce que un jeu qui, aujourd'hui, est bien fait, en fait, à mon avis, n'a même plus besoin de phase de tuto. Le jeu est tellement bien pensé que tu le prends en main et naturellement, tu vas comprendre comment ça marche. Le meilleur exemple, on va prendre un jeu de plateforme. Mario Bros. 1, c'est une réussite d'expérience utilisateur. Ben ouais. C'est carrément un cas d'école. Lui. Et je trouvais que là-dessus, Fortnite était plutôt costaud aussi. C'est que dès ta première partie, tu vas plutôt bien comprendre comment ça fonctionne sans avoir besoin de passer par une phase de tuto. Tu vas tout de suite comprendre que telle arme de telle couleur va être meilleure que celle de telle couleur, que tel type de munition va avec ça. Moi, c'est ce que j'ai un peu reproché à Apex, malgré le fait que j'ai aimé, c'est que mes premières parties, j'étais un peu paumé, en fait. Je vois où au début, ouais. Un petit peu aussi avec les munitions, on ne savait pas trop, ça, c'est vrai. Pourtant, l'interface t'indique les munitions que tu peux prendre ou pas, selon l'arme. Ouais, mais t'as... en fait, il y a beaucoup de menus, il y a plein de trucs. Faut être attentif, quoi, c'est ça. Faut tout de suite être attentif, comprendre les différents détails que donne le jeu pour pouvoir le maîtriser. Après, pour revenir au tutoriel, en fait, l'idée du tutoriel, c'était surtout de mettre en avant les différents personnages pour apprendre les compétences qu'il y a ça, en fait. C'est surtout ça le plus que moi, par exemple, qui suis habitué au jeu de tir. Bon, moi, les armes, je les ai vues vite fait. Hop, c'était bâclé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les persos, voir c'était quoi les compétences pour les découvrir tranquillement et pas en pleine game à la fin. Là, ah bah, on fait quoi. C'est sûr que si tu plantes sur le téléporteur, si tu te retrouves à sauter dans le vide, là, t'as l'air un peu con. Voilà. Mais tu vois, moi qui suis pas joueur de jeu de tir style Call of Duty Battlefield, les armes, des fois, je me rendais pas trop compte exactement de ce que c'était, quel type de munitions il faut. Le fait que t'es une place maximum de munitions, donc tu dois des fois te débarrasser de trucs pour en récupérer d'autres. Il faut faire très attention quand tu commences le jeu, tu récupères tout. Tu récupères tout. Puis là, tu dis, mais attends, j'ai cette munition-là, mais elle me sert à quoi? J'ai pas le flingue qui va avec. Et l'autre défaut, ce sera le dernier, puisque globalement, j'ai un petit peu joué, je m'amuse, etc. C'est cool. C'est le système de points de vie qui n'est pas chiffré. Et en fait, tu vois des barres. Pour moi, c'est un gros défaut parce que à partir du moment où tu t'expérimentes dans un jeu, eh ben, t'es au point de vie près. C'est-à-dire que tu sais que telle arme, elle inflige 26 ou 28. Ouais. Et si toi, t'as 59 ou 55, c'est pas la même chose. Et ça, pour moi, c'est un gros défaut dans le jeu, alors qu'il sera certainement corrigé. Par contre, il est arrivé avec des trucs géniaux, style épingler les choses, qui a en partie été repris par Fortnite. J'allais dire, on peut maintenant le faire sur Fortnite. Si, c'est arrivé. Moi, j'ai arrêté d'y jouer depuis un moment, donc je c'est arrivé. En fait, moi, j'ai vécu l'arrivée d'Apex aussi comme quelque chose d'assez sain, finalement, parce que ce côté autre jeu en concurrence. Bah ouais, c'est bien. Là, on voit que chez Epic, ils se sont un peu bougé les fesses, alors même si on pouvait difficilement leur reprocher de pas faire de mise à jour, etc. Ça, c'est pour coup, mais il y a des choses sur lesquelles les joueurs râlaient depuis un petit peu de temps qui ont été corrigées parce que je pense que ça leur a fait un peu peur. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Cool pour cette actu. J'ai regardé récemment, mais il me semble qu'Apex est encore en bonne place sur Twitch. Généralement, il est soit 3e, soit 4e. En première place, c'est tout le temps Fortnite, soit League of Legends. C'est un bon concurrent. Oui, carrément. Mais c'est bien que tu rapportes les défauts parce que moi, étant un joueur PC, et j'ai joué entre autres de FPS, j'ai mes propres habitudes, etc. Ouais. Donc quand tu parles des points de vie, moi j'ai pas ce problème, parce que dès que je me fais toucher, moi c'est le réflexe du joueur PC, je me soigne direct. Ouais. Voilà, j'attends pas, je me soigne. Donc les chiffres, tout ça, finalement ça me passe un peu au-dessus, parce que j'ai mes habitudes. Mais c'est vrai que tu fais bien de dire, voilà, pour le nouveau joueur, ou le joueur moins habitué, c'est pas forcément aussi facile que pour moi, ou pour toi, Théo. C'est... Ouais, parce qu'on a nos habitudes. Aussi, moi, je suis un assez gros joueur de Fortnite. C'est surtout que je suis arrivé à un niveau où je suis quand même très expérimenté sur Fortnite. Et finalement, je vois quelles peuvent être les exigences. Alors, je suis loin de ça, mais comme je regarde aussi beaucoup de lives de joueurs pros, je vois les exigences qu'on peut avoir et qui ne sont pas encore présentes sur, sur Apex. Après, est-ce que le jeu a volonté aussi de se positionner sur la scène e-sport, etc. Ça, on ne sait pas. On... Si, apparemment, c'est sur la bonne voie. Hein. Apparemment, ce serait la bonne voie et on va terminer là-dessus, je pense, histoire de ne pas trop rallonger le podcast. Pour ce qui est des mises à jour aussi, ils ont fait un choix bien à eux. Les mises à jour vont être rares, mais testées à fond en interne. Ouais. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que les joueurs, c'est pas bousculer les habitudes des joueurs, justement, comme ça peut arriver dans d'autres jeux. Bah, voilà. C'est le cas sur Fortnite. Ils veulent que les joueurs gardent leurs habitudes quand même. Donc, ils étudient beaucoup leurs patchs en interne. Et quand ils vont les sortir, c'est vraiment sortir des gros patchs avec de vrais bons et gros changements sans trop changer les habitudes. Et oui, pour ce qui est de l'e-sport, quand même, ça semble être dans le viseur. Pour l'instant, évidemment, on n'a rien de concret. Mais quand je vois la façon, et on va boucler la boucle, si j'ose dire, quand je vois la façon dont a été annoncé le jeu, c'est, ils peuvent nous sortir ça de leur chapeau du jour au lendemain. Ah, bah, vous savez quoi ? Écoutez, demain, on va lancer un petit championnat du monde en ligne. Où j'extrapole hein, exprès. Comme ça, du jour au lendemain, via les différents... Oui, et on sait qu'aujourd'hui, ça marche, hein, parce qu'on voit d'autres exemples. Bah, ouais. Théo, est-ce que tu avais une actu à traiter pour ce mois-ci ou pas ? Ouais, une petite actu qui arrivait il n'y a pas très longtemps, c'est l'annonce du fameux BR de Battlefield 5. Ok. Le Firestorm, donc étant un fan de Battlefield. Donc, je n'ai pas joué au 5 parce que j'ai pas eu envie de l'acheter, et j'ai bien fait parce que plusieurs de mes collègues l'ont pris, et ont vite fini le jeu, et il y a eu une absence de EA sur le coup parce qu'ils n'ont pas du tout fait les mises à jour qu'il fallait, les DLC prévus, c'est pas arrivé là, c'est toujours pas là. Le Battle Royale qui était sorti il y a un moment. Je crois que le jeu a fait un four. Enfin, il Mais ouais, mais là, ça, c'est... Et pourtant, c'était bien parti. Et moi, j'étais plutôt content parce que c'était une suite logique et j'avais, entre guillemets, hein, j'étais hype, hein, j'avais hâte qu'il sorte et puis bah, finalement, ça s'est pas passé comme prévu du tout, du tout, du tout. Donc j'espère que cette petite annonce va redonner un petit côté... du moins essayer de le relancer un peu. Ouais. Ou... Et voilà. Tu y crois franchement parce qu'on a vu quand même des tentatives ratées dernièrement. Ouais. Ça a été le cas avec Counter-Strike qui a relancé son Battle Royale. C'est très particulier Counter-Strike. Ouais. J'ai essayé, je suis tombé dessus. Comment dire, c'est pas que j'ai pas aimé l'idée de base, mais tu sens que Counter-Strike n'est pas fait pour non, ça. Non, on a l'impression qu'ils l'ont fait pour le faire. Ils ont fait, ils ont fait pour le faire. Non, on va essayer d'adapter ça à l'univers, entre guillemets, Counter-Strike, c'est et ça marche pas. Non, on est non le meilleur exemple, le meilleur comparatif, plutôt, je dirais, Call of Duty. Ouais. Voilà, qui a balancé son mode Battle Royale à la sortie du jeu, je crois. Ouais. Ça a marché 2-3 jours, et puis après, pouf, plus rien. Bah c'est pour ça qu'en fait, je te pose cette question, c'est que, est-ce que finalement, rajouter l'étiquette Battle Royale, c'est suffisant pour sauver un jeu aujourd'hui ? Non, pas forcément, mais par exemple, je sais qu'à un moment, la BO4, là, pour leur mode Battle Royale, ils l'ont mis gratuit pendant un moment, et pas mal de joueurs ont fini par acheter le jeu parce que ça leur avait plu de tester le jeu pendant tel moment. Après, une petite précision, le Battle Royale était quand même annoncé quasiment dès l'annonce de BF5. Ouais. Donc, c'est pas un ajout qui vient c'est pas un ajout de n'importe où. Moi, j'avais pas suivi l'actu de BF5. C'est pour ça que je l'attendais depuis un moment, en fait, et je pensais qu'il serait bien plus tôt. On peut avoir un petit espoir. C'est pas comme si, bon, je suis désolé de le citer, mais c'est pas comme s'ils sortaient de leur chapeau un mode Battle Royale pour Battlefront 2, qui a été une catastrophe. Et on sent que ça a bloqué, justement, tu parlais du souci de BF5, ça a bloqué Electronic Arts, ah, faut être honnête. Hein. Ah ouais. C'est ça qui les a bloqués, et c'est ça aussi qui a joué avec BF5, je pense aussi, et aussi les précédents Battlefield, parce que certains soucis. Moi, j'aime bien Battlefield, même si je me suis arrêté au 3, mais je continue de me renseigner et de jouer au bêta gratuite, surtout. Mais il y a certains problèmes propres à Battlefield qui ne sont toujours pas corrigés. Il y a des soucis de netcode, etc. De serveur, ça fait des lustres que les joueurs disent qu'on va peut-être corriger ça, et c'est toujours pas fait. On arrive à BF5, bon, les joueurs ont dit « Bon, on va peut-être arrêter là, puis attendre avant d'acheter. Et... » Voilà, quoi. Mais j'ai quand même hâte de le voir... le voir naître, pour voir ce que ça va donner. Juste ça, au moins. Parce que étant fan de BF, j'aimerais bien voir ce que ça va donner quand même. Voilà. Tu nous en reparleras peut-être dans un prochain numéro. Ce sera peut-être un jour un coup de cœur ou un coup de gueule. Bah voilà, exactement. Toi, Fabien, qu'est-ce que tu voulais aborder ? Alors, bon, j'ai un petit peu esquissé, enfin j'ai un peu esquivé plutôt la partie BR, je suis complètement hermétique, donc voilà. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Bonjour, me voici, j'arrive. Bah, essaye Tetris 99. Mais en fait, je suis en train de jeter un œil à nos notes et je me rends compte que personne n'a mis Nintendo, donc je pense qu'on fera une petite parenthèse à la fin. Ah si, j'en peut-être dans les coups de cœur. J'ai mis Nintendo, mais moi j'étais parti du principe qu'il y allait en avoir un. Ouais. Mais nous, pareil. En parler et qu'on allait partir sur bah, le moi, gros, j'ai un jeu, donc, gros morceau Nintendo. Mais c'est en coup de cœur, parce que là, il y a quand même des grosses actus. Je pense qu'à la fin de nos actus, on fera une parenthèse sur ce qui vient d'être annoncé dernièrement, parce qu'il y a quand même des choses qui arrivent. Ouais, vraiment de choses. Oui. Donc moi, je vais parler des consoles au sens large. Donc depuis des années, des dizaines d'années, donc il y a la fameuse guerre des consoles. Hein, ça date pas d'hier, ça date des années 90, hein, même du début des consoles 8-bit. Ouais, même années 80. Je suis pas concerné. Voilà, et en fait, voilà, c'était chacun un peu prenait son parti, plutôt Nintendo, plutôt Sega, plutôt Microsoft, Sony, etc. Les bagarres de cours de voilà. C'était des trucs, voilà, qui moi ça m'a, j'étais dedans. J'ai bien aimé ce genre de choses. Et en fait, chaque plateforme avait un peu ses exclusivités, ses titres phares qui faisaient que le hardware se vendait. Je sais plus comment appeler ça. Il y a un terme pour dire. Des upsellers en quelque sorte. Des upsellers un peu, ouais. Des systèmes sellers. Oui, systèmes sellers. J'allais dire console sellers. Ouais, systèmes sellers. Et donc, en fait, apparemment, au sein des constructeurs de consoles d'aujourd'hui, il y aurait finalement un petit peu de changement à ce niveau-là. Ça se commence à s'esquisser. On l'avait déjà vu, pour ceux qui ont suivi les Game Awards qui ont lieu il y a quelques semaines, c'était en décembre. Oui, c'est ça. À un moment donné, j'ai les pas trois... suivi, j'ai regardé les actus pour ma part. Moi, j'ai regardé les en replay. Ouais, ben moi, c'est pareil, j'ai vu ça en replay. Effectivement, quand j'ai vu les trois dirigeants de Sony, Microsoft et Nintendo côte-côte... Ça fait bizarre, hein. Ouais. Ça fait bizarre. Chose assez unique, ouais, assez unique. Je trouvais ça beau, moi. Enfin, je pense que c'était un peu à contre-cœur, mais... Ouais, mais au moins, ils l'ont fait. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant. Ouais. Et effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, l'initiative de Microsoft pour Nintendo, sur la Switch en tout cas, pour mettre, on va dire, une application, je ne sais plus comment ça se passe exactement, mais il y a une application qui permettra une certaine compatibilité. A priori, c'est une espèce de rumeur qui voudrait qu'on ait une sorte de... Bah, c'est le Xbox Game Pass, c'est qui ça. Est le Netflix du jeu vidéo actuellement. Et qui serait accessible sur les consoles Nintendo. Qui serait accessible en streaming sur console Nintendo et surtout sur la Switch. Et du coup, il y a aussi un peu le même type de relation qui pourrait se mettre en place avec PlayStation, avec Sony. Mais apparemment, c'est un peu plus compliqué parce que bon, Sony étant quand même le leader sur cette génération de consoles en termes de vente, il va pas se dire bon, je vais être regardé, je vais me mettre au niveau de Microsoft. Je pense qu'il y a un peu une guéguerre à ce niveau-là. Qui est pas encore... Un peu d'ego, quoi. Après, je me trompe peut-être, mais historiquement, Sony a toujours été un peu très. Indépendant, oui, j'allais dire renfermé sur lui-même. Ouais, c'est pas faux. C'est, hein. C'est peut-être un peu exagéré. Quoique. Non. Mais quand Nintendo tu. Nintendo aussi. Hein. Quoique, non, parce qu'il s'était ouvert. Bah, Nintendo, oui et non. Disons que quand ils ont. T'as toujours un passif avec Nintendo, j'ai presque envie de dire. Tu sais, ouais, à l'époque, ouais. Ils se sont ouverts. Et puis, bon, à prendre un exemple, parce que j'aime le cinéma, mais voilà. On va s'ouvrir au cinéma. Il y a eu Super Mario Bros. Bon, on s'ouvre plus au cinéma, c'est fini. Ouais. Là, il recommence quand même un peu. Ouais, on a un film Pokémon qui arrive, Pokémon. Etc. Voilà. Bon, on sent que voilà, c'est le cauchemar est passé. On va y revenir, mais ils y reviennent prudemment. Sony, tu parlais d'exclusivité, etc. Je trouve que Sony est encore assez très ancré quand même sur ces choses-là. Ah bah oui. À raison aussi, parce que leurs exclus sont quand même de grande qualité. Très souvent, très bonnes. Je pense que nombreux sont ceux, même ceux qui ne possèdent pas de PlayStation 4 comme moi, nombreux sont ceux à attendre The Last of Us 2. Voilà, j'allais dire. Voilà, il y a eu God of War cette année aussi. Voilà. Moi, j'avais joué le premier, j'avais adoré. Days Gone, dans pas longtemps. Voilà. Mais c'est vrai que cette image que tu cites des trois représentants de constructeurs... Ça fait bizarre, c'est le genre d'image moi, que j'aurais pas cru voir avant un petit moment. Et oui, on la voit. Et ça fait plaisir et en même temps, ça fait poser pas mal de questions. Ouais, tout à fait, hein, tout à fait. Et donc, on pourrait imaginer comme ça, éventuellement, des systèmes qui permettraient de lancer n'importe quel type de jeu. Exclusivité de Microsoft sur Sony. Voilà. Donc, en streaming, ça c'est sûr. Donc, voilà. Mais ça permettrait d'avoir un système et de pouvoir lire tous pour les le moment, c'est pas exactement du streaming. Pour le moment, tu souscris un abonnement, tu peux télécharger ton jeu et tant que tu es abonné, tu peux y jouer. Oui. On n'est pas encore sur des jeux qui sont streamés. Et j'irai même plus loin. Pour expliquer vite fait, pour le Xbox Game Pass aussi, c'est à peu près une centaine de jeux. Et des fois, tu en as des nouveaux qui arrivent, puis des fois, tu en as des anciens qui partent. Ouais, c'est pour des questions de droit. C'est un peu comme Netflix. Comme sur... ouais, voilà, ça vient, c'est un peu ça comme part. Netflix, c'est un peu au bon vouloir du détenteur de la licence. Ouais, ou... c'est vrai. Voilà, je veux dire, il y a quelques mois, il y a Resident Evil, le remake, qui est parti de Xbox Game Pass. Bon, quand tu savais que le remake de Resident Evil 2 allait arriver, notamment, bon, tu devinais que Capcom va essayer de miser sur. Apparemment il est très bon d'ailleurs, le remake je l'ai pas fait, mais apparemment il est très bon et va essayer de miser là-dessus pour vendre des jeux. Voilà, et j'en parlais tout à l'heure du remake justement. Ouais, désolé, je ne savais pas. Pas de soucis. Non, mais au contraire. Justement, ouais. Et donc, du coup, moi je prends ces nouvelles comme plutôt bonnes nouvelles, justement, parce que ça a tout intérêt aussi pour les constructeurs. Parce ça que dépend comment c'est fait. Voilà. Ça dépend comment c'est fait. On va pas rentrer dans un débat qui serait beaucoup trop long. Ah oui, bien sûr. Mais ça dépend comment c'est fait. Ouais. C'est ça. Après, moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est qu'il dit une plateforme unique, c'est plutôt sur les questions de tarifs que ça m'inquiète. Mm. On sait que quand il y a concurrence, les prix ont tendance à aller vers le bas, alors que quand il y en a qu'un seul, ça a tendance à aller vers le haut. Mm. C'est la seule chose qui m'inquiète. Effectivement, ouais. Mais c'est vrai. Sinon, c'est plutôt positif. Sauf si chaque constructeur propose sa machine un peu à sa façon. Alors j'extrapole encore une fois, mais de ce que je vois, Nintendo a l'air d'être parti dans une direction bien à lui. Oui. Voilà. Microsoft a l'air d'être parti dans une direction bien à lui, qui est le Xbox Game Pass, mais aussi unifié un peu PC, console, etc. Ils sont un peu partis dans cette direction. Alors, qu'est-ce que va faire Sony dans cette histoire? On ne sait pas encore, mais... si chacun aussi propose son petit plus en matière de machine, peut-être moyen de maintenir un petit peu cette concurrence, à voir comment ça va se faire. En tout cas, rien n'est encore bien défini, on verra bien comment ça va évoluer. Pour le moment, c'est un peu une tendance. Actuellement, on n'est que sur des rumeurs, ouais. Ça m'étonnerait qu'au prochain E3, on en apprenne un peu plus sur les prochaines consoles. Moi, j'ai des doutes. Après, il y aura toujours un site de jeux vidéo pour dire « Ah non, non, mais on va avoir des nouvelles consoles de la prochaine E3, puis on n'aura rien. » Si, il y aura des mock-ups faits par des graphistes de balles. Ouais, ou alors tu auras une boîte, et puis dedans, ça sera un PC ultra puissant, et puis on dira « Voilà, c'est la prochaine console. Bon, » on connaît, hein, c'est bon. Bien sûr, il faut faire mousser le public. Oh bah oui, ça, c'est pas drôle. Moi aussi, j'avais une petite actu, et pas du Nintendo, du coup. Mais on en parlera après. Mais en fait, j'étais tellement persuadé que l'un d'entre vous allait choisir de parler des kits VR. On marque nos notes, mais c'est marqué Nintendo sur toutes nos notes. Ouais. Moi, je voulais revenir sur un truc qui a marqué l'actualité même de la semaine, c'est le live croisé de Ninja et Gotaga. Alors, même si on n'est ni fan de l'un ni fan de l'autre et qu'on n'est pas fan de Fortnite, c'est quand même à quelque chose. À surligner, puisque c'est pas n'importe quoi. Non, là, on parle du streamer numéro 1 américain qui est venu en France pour faire... alors, il n'est pas venu spécifiquement pour faire un live avec Gotaga, mais lors de son passage en Europe, a fait un détour par les studios de Gotaga pour faire un live avec lui. Donc, tous les deux sont sponsorisés par Red Bull, qui a arrangé, entre autres, la rencontre. Mais on parle quand même donc de Ninja, qui est suivi sur Twitch par... près de 14 millions de personnes, sur YouTube par près de 22 millions, et Gotaga qui est sur 1,5 million sur Twitch et 3 millions sur YouTube, plus tous les autres réseaux. Ouais. On est sur des chiffres qui sont assez astronomiques, et du coup le live a quand même rassemblé en moyenne durant toute la soirée toujours un petit peu plus de 200 000 spectateurs en live, avec une majorité... en France, étant donné que l'horaire faisait que les Français étaient plus disponibles à cette heure-là. Il n'empêche que, du coup, moi, j'ai regardé ce live qui a été assez plaisant. Ah ouais, assez plaisant. Ça a été un assez beau moment de voir justement deux joueurs marquants de chaque pays se rencontrer. Échanger aussi à propos de leur vie de streamer. Mm. Les différences culturelles dans les deux pays, comment est reçu le fait de recevoir des dons, de gagner sa vie sur Internet, etc. Voilà, c'est deux visions complètement différentes qui se sont confrontées. Et je pense que chacun s'est un petit peu nourri de l'expérience de l'autre. Par contre, moi, ce qui m'a étonné, c'est que globalement, j'aime bien Ninja en tant que présentateur. Et en fait, les voir tous les deux l'un à côté de l'autre, on voit quand même qu'il y a une différence de niveau. Ah ouais, c'est Ninja est tellement plus à l'aise face à la caméra. Ouais. Bah c'est un peu le truc à l'américaine, c'est l'habitude de toujours ce truc qu'on a. Le pas gars, fait il en met France. L'ambiance, ouais, il a vraiment de l'interaction avec le public, mais à toute occasion. Je pense aussi à la piscine, quoi, par exemple. Déjà ouais, ça. Carrément. Truc que personne n'aurait pensé. Il se dit bon allez, moi, je perds piscine. Mais ouais. Des trucs. C'est, on n'aurait jamais fait ça ici comme ça. Nous. C'est. Mais il n'empêche que voilà, c'était assez marquant. Ouais. Ça montre aussi l'ampleur qui est en train de prendre le streaming. Ouais. On sait que à une époque, c'était les journaux. Il y a eu l'arrivée des blogs, ensuite de YouTube, et là aujourd'hui, c'est le stream qui est en train d'un peu prendre le dessus. Même si en termes de chiffres, YouTube est encore loin devant. Et on le voit même avec Ninja et Gotaga qui sont en soi des streamers et pas des youtubeurs et qui sont plus suivis sur YouTube que sur Twitch. Ouais. Mais voilà, c'est en train de montrer là aussi une tendance. Tu voulais dire quelque chose, Daniel ? Non, j'avais juste demandé s'il y avait un replay sur la partie, la partie gagner argent, etc. Parce que ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus à ce niveau-là. Parce que moi, personnellement, tout ce qui est Twitch et compagnie... À part l'e-sport, il y a très peu de choses que je regarde sur Twitch. Bon, après, je suis peut-être pas le bon public non plus, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis un peu le vieil ours. Mais s'il y a moyen de voir, par contre, ça m'intéresse, ne serait-ce que par curiosité, leur discussion justement sur les différences culturelles entre les deux pays, la perception, etc. Ça, par contre, ça m'intéresserait de voir. Il y a Kotaga qui a fait une superbe vidéo justement sur le fait de gagner de l'argent avec Fortnite et Apex. Ouais. Il a fait, et je te conseillerais d'aller la voir parce qu'elle est vraiment... Elle dure une heure à peu près. Ouais, mais elle vaut le coup parce que franchement, de sa part, déjà, je ne m'y attendais pas à ce qu'il fasse ça. En fait, c'est une vidéo, le titre, c'est Apex meilleur que Fortnite ou quelque chose comme ça. Et il aborde en fait les sujets économiques. Il parle beaucoup de ça d'ailleurs. Ouais. Par contre, ce live, forcément, sera disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube de Gotaga, ça c'est sûr. En fait, ce qui a notamment été abordé, c'est le fait de demander aux gens de s'abonner. Parce qu'on sait que quand les gens s'abonnent à sa chaîne Twitch, c'est via Twitch Prime et donc Amazon Prime, c'est ça. Et donc que le vidéaste, le streamer, gagne de l'argent. Et donc Gotaga a expliqué que lui demandait assez peu aux gens de souscrire à un abonnement, etc., parce que c'était plutôt mal perçu, par exemple, chez nous, alors que Ninja, pendant toute la soirée, n'a pas hésité à dire « Bon, les gars, abonnez-vous à la chaîne de Gotaga. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit pour vous et vous soutenez votre streamer préféré. » Et en fait, on voyait que Gotaga était hyper mal à l'aise. C'est pas la même culture. Et, et Ninja lui montrait « Mais regarde, là, sur ton écran, tu viens de gagner 200 abonnés supplémentaires en une minute. » Voilà, c'est $5 à chaque fois. J'avoue que c'est ce qui m'agace un peu aussi parfois sur certains streams, justement, ce côté abonnez-vous, ceci, cela. Je n'aime pas trop. Voilà, c'est d'autant plus dérangeant quand c'est des chaînes e-sport. Alors là, où en plein match, ils disent merci de vous être abonné ou machin. Alors là, c'est bon, moi, je pète un plomb. Ouais. Mais c'est vraiment, ça m'intéresse, ne serait-ce que pour le côté curieux, vraiment, de voir comment ça fonctionne. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, tu citais les blogs et compagnie. Moi, je suis un peu vieux jeu, je suis beaucoup plus écriture que tous ces trucs. Après, c'est des choses qui sont complémentaires. Mais je regarderai, parce que justement, c'est toujours intéressant. Mais oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que même si on n'est pas d'accord avec Ninja, ouais. C'est que voir en fait ces deux visions qui sont complètement différentes en discussion, c'est super intéressant, quoi. Et le truc, c'était ce qui concernait les codes créateurs sur Fortnite. En fait, l'idée, c'est que n'importe quel streamer ou youtubeur un peu connu peut proposer son code créateur à sa communauté. Et du coup, quand les gens font des achats dans Fortnite, lui touche une commission. Ah oui, ça rachat. C'est un partenariat. Ninja a dit, mais voilà, ça coûte rien à tes abonnés, parce que dans tous les cas, ils vont faire l'achat. Dis-leur de mettre ton code créateur, parce que toi, ça te permet d'en vivre. Eux sont contents parce qu'ils te soutiennent. Et on sentait que là aussi, il était mal à l'aise. Ouais. Et il y a un moment assez hallucinant où Ninja dit que je crois qu'il y a 1,8 million de personnes qui ont rentré son code créateur. C'est énorme. Sachant qu'en gros, sur un achat, il touche 5%, ça veut dire à peu près 1 euro sur un skin. Ouais. Tu multiplies ça par éventuellement 1,8 million de personnes. On va dire. Ouais. C'est hallucinant. Bref, c'est hyper intéressant. C'est un peu tout ce que j'avais à dire. C'était surtout sur ce côté... voilà, la rencontre de deux grands de chaque pays. On a aussi vu que Ninja avait pas forcément la grosse tête, c'est pas je suis numéro un au monde. On voit qu'il apprécie le contenu que fait Gotaga, etc. Ouais, enfin, c'était pas mal ça. C'était assez intéressant. Moi perso, je suis pas très fan de Gotaga. J'aime le contenu qu'il produit, sa personnalité un peu moins. Enfin, c'est pas sa personnalité, mais je trouve pas qu'il soit excellent animateur. Mais par contre, voilà, là, j'ai trouvé qu'il y a un truc qui se créait, c'était assez intéressant, et je trouvais que ça méritait qu'on en parle ce mois-ci. Ok. Non, bon, moi, ça me fait une découverte. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas une petite parenthèse sur Pokémon, parce que là, il y a quand même eu des grosses annonces. Pokémon ou Nintendo ? Nintendo, désolé. La de Nintendo. Ben voilà, parce que... Il y a eu énormément d'annonces ces derniers temps. Il y a eu de l'annonce Pokémon. Là, la grosse annonce de ces jours-ci, c'est les kits réalité virtuelle de... La VR en Nintendo. Carton. Je suis désolé, il fallait la faire. Moi, j'aime pas les... tout ce qui est VR, c'est... Alors, c'est pas la... Est-ce qu'on choisit un ou deux trucs parce que sinon, on va y passer trop de temps. On va trop juste temps. Dire un Allez-y. Peu toutes les annonces qu'il y a eu. Ouais. Essayer de s'en rappeler un peu toutes sans trop s'étaler dessus. Bon, moi, la première qui me vient en tête, c'est Metroid Prime 4 qui retourne chez Retro Studio. Ouais. Et la façon dont ça a été tristesse. Annoncé, moi, j'étais surpris. Enfin, pour moi, c'est courageux de l'annoncer comme ça, avec une petite vidéo, et de dire bon, bah, on est conscient que les fans attendaient le jeu, mais nous, on n'est pas content du résultat. Donc, on je crois qu'il n'y a que Nintendo pour faire ça. Nintendo, bah, il n'y a que pour faire ça. Ouais, mais c'est tellement rare de. Enfin, rare, voire même, j'ai jamais. De souvenirs, j'ai pas vu ça, je crois que j'ai jamais vu ça, mais la façon dont ça a été fait, j'ai trouvé ça très courageux, voilà. Après, on a eu le Nintendo Direct, un peu plus tard, donc avec plein d'annonces, notamment le prochain Platinum Games, que j'attends, même si on est sans nouvelles de la sorcière, mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai toujours les deux autres jeux, moi ça me va, pour l'instant. Ouais. Super Mario Maker 2, celui-là aussi, j'attends bien. J'en oublie peut-être. Hein. Il y a aussi un petit jeu un petit RPG entre deux mondes, le monde vivant, le monde des morts. J'ai plus le titre en tête. Ah, j'ai pas en tête. Il n'y a pas aussi un Fire Emblem. Il y a le Fire Emblem. Le Pokémon. Ouais, mais j'allais venir au Pokémon parce qu'il y avait un Pokémon direct carrément. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre bon, la grosse. Moi, je suis désolé, mais celle-là, moi, j'aime toujours autant. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Mais le Tetris 99 sur les fesses. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai dit... Mais ça a fait son effet, parce que moi, le lendemain sur Twitter, dans mon fil d'actualité, il n'y avait que des screenshots de Tetris. Alors moi, je l'ai téléchargé aussitôt et j'ai accroché. Bah ouais, C'est complètement... C'est bête, hein. 99 joueurs qui jouent à Tetris, voilà, tu te dis, c'est une idée complètement... Enfin, vraiment, moi, j'ai pris ça pour une blague, et puis tu lances le jeu, puis t'accroches. Et c'est pareil, on parlait d'Apex, on parlait de Fortnite, avec leurs millions d'euros en jeu ou de tournois, etc. Puis t'as Nintendo qui a annoncé il y a quelques jours, bah écoutez, ce week-end, si vous faites un top 1 à Tetris 99, vous avez une chance, alors une chance sur combien, ça c'est autre chose, de gagner en pièces d'or 9,99€. Et moi je trouve ça à la fois culotté et génial. Ouais, c'est rigolo. Voilà. Bien vu. Et bien sûr, donc l'annonce des... Alors j'ai sans doute oublié d'autres choses, hein, je suis désolé, vous allez compléter. Puis bien sûr, l'annonce donc des kits VR. Pour la petite parenthèse, pour ma part, je suis pas étonné après coup, parce qu'on avait plein de rumeurs comme quoi, tu sais, des espèces de lunettes vertes sur laquelle on mettait machin, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive dans le Nintendo Labo, honnêtement. Bah en fait, il y a moi par exemple, je suis pas mal la chaîne de Julien Chiez. Alors on n'aime pas la personnalité du gars, mais ça fait quand même 2 ans qu'il parle régulièrement de réalité virtuelle qui devrait arriver sur Switch. Il en reparlait il y a encore un mois et demi ou deux, et là, ça arrive. Donc, moi, je sentais le truc venir. À force de tester le truc, forcément, il allait tomber juste à un moment ou à un autre. Ouais, ouais, mais là, en gros, ce qu'il expliquait déjà depuis 2 ans, c'est que la console était équipée d'une puce qui permettait de gérer la réalité virtuelle, etc. Que lui discutait avec des développeurs, des éditeurs, qui disaient qu'il y a des choses qui se tramaient, notamment en lien avec le Nintendo Labo. Puis et les Joy-Con, c'est tellement adapté pour ça, les Joy-Con, rien que ça. Et moi, je suis plutôt enthousiaste à l'arrivée de cette VR. Et je vais te dire pourquoi, enfin, vous dire pourquoi, c'est que comme on disait tout à l'heure sur Metroid Prime 4, c'est que Nintendo sort rarement un produit qui n'est pas bien fini. Après, on accroche ou pas, mais ça marche. C'est-à-dire que même Wii Music, on aime, on n'aime pas, ça marche. Non, puis c'est efficace. C'est des concepts originaux, quoi. Le Nintendo c'est Labo, ça n'a pas cartonné, il n'empêche, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, il n'empêche que... j'ai même pas fait ça. Non plus, au début, j'ai fait... Hein, ça n'a pas été un succès incroyable. Il n'empêche que techniquement, ça marche bien, c'est efficace, le concept est chouette. Moi, je n'ai pas essayé, parce que je ne suis pas le public, voilà. Mais ça ne m'a pas empêché, justement, d'être très curieux, de me renseigner, de regarder des vidéos, etc. Puis une des grosses questions du Nintendo Labo, c'était le carton, quoi. Est-ce que ça va être assez solide? Et bon, moi, en bon joueur PC, je traîne beaucoup sur le forum de Canard PC. Bon, il y a un topic Nintendo Switch qui marche très bien. Et en lisant les avis, donc, la plupart du temps, c'était des parents, mais carton solide. Eh bien, tu dis le truc le plus intéressant, c'est que là, par exemple, avec cette annonce, il y a plein de joueurs qui ont dit « Ah, mais c'est nul, c'est pas de la VR de ouf, etc. » Et en fait, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas que le public cible, c'est pas forcément les gros amateurs de réalité virtuelle. Non, le but, c'est de proposer une expérience accessible pour des plus jeunes. C'est le premier casque de VR. Enfin, même, on peut même pas trop parler de casque de VR. C'est un masque. C'est une des rares expériences VR accessibles à partir de 7 ans. Jusque-là, c'était à partir de 12 ans. Là, c'est à partir de 7 ans. C'est vrai. Vraiment, l'idée, je pense, c'est d'avoir sa première expérience, d'être sur un truc ludique avec ses parents, qu'on va monter ensemble, essayer, et en fait, ça a l'air assez enthousiasmant, quoi. Et par rapport à ça, je me souviens d'une assez ancienne interview de Reggie Fils-Aimé, ça fait bien 2 ans de ça. Qui va partir, d'ailleurs. Oui, qui part de son poste. Remplacé par Bowser, si ça c'est pas... Ouais, Bowser qui prend la suite, le boss de fin. Donkey Kong remplacé par Bowser. Parce qu'il y en a plein qui trouvaient que... Oui, c'est vrai qu'il avait la carrure. et donc en fait, il avait fait une interview où il disait... il avait été interrogé sur la partie réalité virtuelle au sens large par rapport à ce qui se faisait sur PS4 notamment. Et il avait dit qu'ils étaient sur le sujet, ils penchaient là-dessus. Il disait que un des problèmes importants qu'ils avaient relevé, c'était justement le PEGI, qui était trop important. Mm-hmm. Enfin, le PEGI ou le RSSI, etc. Le petit souci, c'est que c'est la lumière. C'est ça le principal souci qui fait qu'ils ont imposé une limite d'âge. Et du coup, ils devaient trouver une solution alternative pour permettre de réduire justement cette limite d'âge pour pouvoir toucher un plus grand public. Mais j'ai l'impression que toutes les fois où... Parce qu'il y a eu quand même des réactions qui n'étaient pas toujours positives vis-à-vis de cette VR... Nintendo Labo, c'est que je pense que la VR en carton, hein, personne ne t'en voudra. C'est que beaucoup en fait ne prennent pas les choses comme ce que c'est. Ça a été le cas aussi à l'époque de la 2DS. Je me souviens, tout le monde se foutait de la gueule de la 2DS. Oui, c'est vrai. Mais la cible, c'était les plus jeunes. C'était une Nintendo 3DS. Pas de la 3D. Ouais, voilà. Ouais, mais aussi. Mais dans l'idée, c'était une console sans 3D parce que c'est pas forcément le top pour les plus petits. Ouais, c'est pas fou. Console solide aussi. Sans connectivité internet, plus solide. Un bloc. C'est ça. Un bloc, pas de. Bref, en fait, c'est que souvent les gens qui disent ah mais c'est pas bien, c'est que des fois ils oublient que c'est pas eux la cible en fait. C'est ça, souvent. C'est comme si un gamin disait je sais pas, un jeu ou une expérience vraiment à destination des adultes était pas bien. Non, c'est qu'elle est pas faite pour lui en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plutôt enthousiaste avec toutes ces annonces. Moi, je suis très, très, très curieux pour cette VR parce que je suis plus curieux de ce que ça va donner ensuite. Voilà. Ouais. Le Nintendo Labo en lui-même, je suis curieux surtout de voir. Alors, pour le carton, je pense qu'il y en a beaucoup qui disent aussi la Switch est lourde, est lourde, est lourde. Je pense quand même qu'ils vont tester vraiment, vraiment le casque en carton pour que ça soit assez solide. Je pense quand même qu'il est... Et on voit sur les images, en fait, que c'est pensé... Par exemple, le masque, en fait, tu le tiens par la console. Ouais, c'est vrai. Mais moi, c'est surtout au niveau de la lumière, comment ça va être géré, cette histoire de lumière, etc. Je veux vraiment être curieux dessus. Après, quand on voit ce qu'on peut faire déjà avec un Google Cardboard et un smartphone... C'est ce que j'allais dire. J'allais y venir aussi. C'est qu'il y a aussi beaucoup qui disent « Ouais, mais techniquement, la Switch, etc. » Bah oui, mais quand tu regardes d'autres casques VR qui te propose finalement d'insérer ton smartphone, tu regardes la Switch, elle n'est pas moins puissante que certains casques, entre guillemets, VR. Bon, après, je ne connais pas non plus tous les trucs techniques, etc., mais j'ai regardé un peu l'Oculus Go, complètement autonome. Ça ne me semble pas si différent en matière, en tout cas en matière de puissance et technique. Moi, je me dis pourquoi pas. C'est surtout l'après. Si après, ça peut donner un vrai casque, entre guillemets, VR, donc avec des vraies attaches en plastique, etc., si je peux dire, et des options VR sur certains jeux, à voir. Mmh. En tout cas, je tiens à préciser aux personnes qui nous écoutent que si le sujet de la réalité virtuelle les intéresse, c'était le sujet de notre premier podcast, donc il ne faut pas hésiter à se mettre là-dessus. Ce que je vous propose, on a déjà passé pas mal de temps sur la partie actualité, c'est qu'on fasse une partie assez rapide sur nos coups de cœur, coups de gueule, qu'on fasse un peu moins de débat, comme ça après on aura le temps de s'exprimer sur nos expériences de jeu. Bon, moi, du coup, on passe aux coups de cœur et aux coups de gueule. Bon, moi j'y vais. Un coup de cœur, pour une fois. Vas-y, Fabien, à toi la parole. Donc j'avais déjà parlé il y a donc, un bon mois de Resident Evil 2 Remake, que donc, j'attendais énormément, parce que c'est un jeu qui m'a pas mal bercé durant mon adolescence. Et donc... Vous fait peur? Hein? Vous fait peur? Non. Pourquoi? Moi, j'avoue, je suis une poule mouillée pour ces jeux-là. D'accord. En fait, voilà. Le premier Resident Evil, le fameux zombie pour les zombies qu'on rencontre, il m'a foutu les jetons. En fait, voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai aimé ce jeu. C'est que moi, j'ai fait beaucoup de Survival Horror, énormément de Survival Horror, et j'ai souvent assez peu de réactions. J'ai pas vraiment de jumpscare ni rien du tout. Et là, au premier passage sur ce jeu-là, finalement, j'ai eu bien bien peur, si bien que je me suis même dit, est-ce que je vais continuer de jouer? Donc, ah oui, je m'enlève la liste. Salut. Ah oui, lui, en non, fait, je présente. En fait, ça m'était pas arrivé, pour ceux qui connaissent un petit peu le genre, ça m'était pas arrivé depuis Forbidden Siren, un jeu qui m'avait vraiment tétanisé. Ça me dit quelque chose, ouais. C'était un jeu qui se passait au Japon, avec des sortes de zombies, mais possédés. Oui. On pouvait voir, en fait, à travers les yeux de cet ennemi, donc on sentait sa respiration complètement c'était dingue. C'était un jeu PS3. Un jeu PS2. Il y a eu un remake sur PS3. Ah, donc moi, c'est peut-être le remake que voilà. Le remake est un peu moins flippant, mais ceux sur PS2 sont très durs et très flippants. Et j'avais pas rencontré ce sentiment de flip depuis un certain temps. Donc là, je l'ai eu, en tout cas pour la première partie. Bon, après, maintenant, je le fais en mode tranquille, parce que je connais à peu près tout ce qui se passe. Et au début, on a un peu peur, parce que finalement, on se fait surprendre dans un jeu qu'on, des fois, on connaissait, si on connaissait le jeu de 98. On connaissait, donc, ils ont changé les scripts. Ils ont changé les scripts, ils ont changé un peu les pièces, ils ont changé un peu les. Ah, c'est cool ça. Voilà, il y a des mécaniques de jeu qu'on se dit, bon, ça va être comme ça, en fait. Ah non, d'accord. Bon remake alors. Bah, je parle notamment d'un passage, il y a un espèce de boss, un crocodile dans les égouts, qui est assez connu, donc il faut bien vider ses munitions dessus, dans la version de base. Et là, c'est tout autre chose, parce qu'on n'a pas à l'attaquer vraiment. Ok. Donc on s'attend à préparer ses munitions, et finalement, bah non, pas besoin. Donc, finalement, ceux qui réussiront le mieux le jeu, c'est peut-être ceux qui n'ont pas joué à la première version. Ah oui, oui. Parce qu'ils ne feront pas les erreurs de... Oui. Étant donné que je n'ai pas joué depuis très longtemps, ça peut marcher pour moi. Ouais, mais si tu pars en courant... Non, c'est pas ça. C'est que je suis... Moi, quand, que ce soit au cinéma ou dans un jeu vidéo, quand un univers arrive à m'immerger, quand il arrive à m'emporter, je suis à fond dedans. Mmh. Voilà. Donc, après, ça dépend des jeux. Hein, ça parle plus ou moins... genre, moi, Dead Space, par exemple, j'étais à fond dedans. Ah, très très bon jeu. J'ai vraiment adoré. Très très bon jeu. J'ai eu pas mal de coups de trouille quand même. Mm. Je veux dire, alors, ce que j'aime bien sur ces jeux, justement, c'est des jeux à ambiance. C'est pas des jeux à jumpscare, à la noix, quoi. Qui cherchent pas à dire coucou, je suis là. Non, t'as une vraie ambiance, t'as une vraie direction artistique, la musique, etc. Je me souviens de Dead Space, des fois, t'as une ombre qui passe. Ah, j'ai peur, mais en fait, t'as jamais le monstre qui arrive. Ouais. Puis le monstre, il arrive un peu plus tard, mais tu t'y attends pas du tout. Ouais. Voilà. Donc, c'est souvent suggéré. C'est ça, donc, oui, je suis entre guillemets une poule mouillée dans ce genre de jeu, mais j'ai presque envie de dire dans le bon sens du terme, parce que je rentre à fond dedans. Pareil. Donc je suis vraiment content d'apprendre que ce Resident Evil 2, non seulement c'est un remake réussi, mais surtout qu'ils ont changé les scripts, les mécaniques du jeu, etc. Alors j'imagine pas énormément non plus, on reste quand même dans du... Alors le scénario de bout en bout, c'est l'histoire qu'on connaît, hein, normal. En même temps, les scénarios de Resident Evil sont pas forcément très riches non plus. Oui. Ça finit souvent par une tour d'extruction du jeu. Moi, j'aurais peut-être plus une question sur le gameplay. Est-ce que ça a bien vieilli? Oui, parce que justement, ils ont apporté pas mal de modifications. On est quasiment... Enfin, on hérite beaucoup des informations, enfin, des gameplays des épisodes 5 et 6, okay. qui étaient déjà un peu plus évolués. Hein, ouais. Alors, là, d'un coup, tu m'as fait peur. Ouais, ouais. Assure-moi les bons morceaux de 5 et 6. Ah oui, oui, parce qu'ils sont, ils sont mauvais dans le fond, hein, parce que c'est pas du gameplay action. On n'est pas figé, par exemple. Non, on n'est pas figé. On peut vraiment se balader, enfin, on peut vraiment reculer en rechargeant. Troisième personne, mais on peut bouger assez librement. Ouais, ça, c'est cool. On peut vraiment faire ce qu'on veut, et d'ailleurs, on vaut mieux le faire parce que les zombies sont très très vifs. Oui. Ils n'hésitent pas à piquer des petits sprints des fois quand ils sont pris à, quand ils peuvent te choper, ils vont courir un peu, et on peut être vraiment surpris et on a un coup de flip avec ça. Ok, sans, bon, bah, sans compter cas, ça... que du Némésis, hein, enfin, de Mister X, donc le tyran, ouais. Qui court après inlassablement sur des parties du jeu, et c'est ce qui m'a fait un peu décrocher au début. J'ai dit, mais je pourrais jamais avancer. J'ai plus de munitions. Le mec, il me court après. Il est zombie dans tous les couloirs. Comment je vais faire? Voilà. Et j'ai même hésité à recommencer la partie. Donc finalement, je me suis accroché et j'ai réussi à m'en sortir. Mais tu l'as fini? Je l'ai fini 3 fois et quasiment 4 fois. Ah oui, quand même. Je le speedrun maintenant pour avoir le rang S et débloquer des armes infinies. Ok. Ouais, bientôt à la GDQ, c'est ça. Au Sundown Quick. Théo, est-ce que tu avais aussi un coup de cœur ou un coup de gueule à nous présenter? Eh ben, c'était le coup de cœur Resident Evil aussi. Grande surprise. Bah ouais. Ah, moi, tu l'as fait du coup. Bah non, je l'ai pas fait, mais coup de cœur, j'ai suivi tous les let's play de A à Z. Ah. Parce que je l'ai pas encore pris, mais j'ai suivi tous les let's play parce que c'est vraiment le jeu qui me donne le plus envie de regarder. Tu t'es pas un peu gâché le jeu du coup à regarder les let's play? Si, un petit peu. Mais... Ah, moi je regarde pas de let's play. De mais là, je me suis dit, de toute façon, je savais que je l'aurais pas pris directement. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, je vais le regarder de toute manière, ça passera un bon moment. De toute façon, celui que je regardais, c'était Monsieur B-Boy. J'ai regardé les let's play et j'ai bien aimé ce qu'il a fait. C'était vraiment cool du début à la fin. Donc, c'était une vraie partie de plaisir à regarder. Et le petit DLC gratuit qui est venu en plus après, j'ai trouvé le Death Run là, avec les 3 personnages. Là, je l'ai trouvé super contre, bien. En parlant de DLC, les musiques originales sont payantes ou pas? Bah, je crois que. Tu veux vraiment que je te réponde? Oui, parce que ça m'intéresse. Oui. Elles sont payantes, elles sont 2€ et quelques. Ça, c'est moche, très moche même. C'est moche ça. Ouais. C'est la partie coup de gueule du coup de cœur. Voilà, c'est ça. Il fallait pas trop de positivité. Petite partie coup de. C'est pas faux. Il voulait pas trop de positivité parce que je crois qu'on a tous des coups de cœur aujourd'hui. Et un coup de gueule aussi. Ah, t'as un coup de gueule? Ah, bah, ouais, j'en ai un. Ah, ouais, vu que Resident Evil 2 a été fait, tu peux en profiter. Bah, vas-y. Ah, c'est pas forcément un jeu, c'est plus Activision. Qui a avec sa vague de licenciements. Là, les 800 licenciements, ça m'a choqué un petit peu parce que déjà je m'attendais pas à ça. Quand on sait que déjà ça représente quand même 8% des salariés global de la société. Fin 2018, ils avaient réalisé un chiffre d'affaires qui était quand même de 7,16 milliards de dollars. Ouais, je crois qu'ils ont enregistré énorme. En plus une année record en 2018. Voilà, c'était l'année record en plus. Et là, du coup, celui qui gère ça, donc le directeur Bobby, qui tourne Bobby ça Kotick. Comme Bobby Kotick, voilà, qui très apprécié dans le milieu. Oui, oh, bah, oui. voilà, hein. Qui dit que finalement les chiffres n'étaient pas à la hauteur, qui justifie ses licenciements par ça, alors que, enfin, quand on nous dit que c'est l'année record, que enfin, je veux dire, c'est difficilement compréhensible. Puis après, il essaie de nous rassurer. Oui, vous inquiétez pas, on a des nouveaux projets en préparation. Il y aura peut-être un prochain Call of Duty l'automne prochain. Enfin, ouais, comme non. Chaque année. Voilà, quoi, c'est ça. Donc à un moment, on se dit. Donc autant les garder. Les garder. Voilà, c'est ça. Pourquoi c'est. Les mecs, on a une grosse annonce à vous faire. Ça va vous surprendre. On va faire un Call of Duty. Ouais, non, mais voilà. Mais en fait, le truc. C'est qu'aujourd'hui, la majorité de leurs bénéfices, ils les font sur les microtransactions. C'est ça le truc. Mmh. C'est ils n'ont pas encore leur Battle Royale, hein, ça va venir. Oh. Ouais. Ouais. Même Electronic Arts en a fait, hein, donc voilà. Mmh. Bon, ils se sont tirés une balle dans le pied. Et Ubisoft, ils n'ont pas fait non plus, pas encore. Non. Ubisoft, ils auront du mal. Hein, ce serait bien qu'ils arrêtent de faire des VR en fait. Ouais, j'ai beau apprécier le format. Je pense que moi j'aimerais un VR très réaliste. Mais il existe déjà, c'est un mod sur Arma 3. Donc, moi je suis assez bon. C'est moi tous les week-ends quand je sors. Ah ouais, il y a peut-être ça aussi, ouais, ok, avec le sac de survivaliste et tout. Ok, tu sors avec un coton-tige et tu te démerdes. Mais pour en revenir au sujet, je sais que c'est dans le podcast Silence on joue. Dont on parlait la dernière fois, ça a été aussi abordé. Et ils ont parlé en détail de ça. Donc, Oui, c'est vrai que c'était surtout aussi pour faire plaisir aux actionnaires. Enfin, moi, quand tu as dit coup de gueule Activision, voilà, c'est bon. Tu savais de quoi on allait. T'aurais dit coup de gueule Electronic Arts, ça aurait été pareil aussi. Ouais. Voilà. Puis historiquement, Activision, on n'a pas du tout de mal à se séparer ou fermer des studios qui y travaillent. Bobby Kotick, qui est un peu habitué à la démarche. En même temps, si tu te souviens peut-être quand il avait été nommé, il avait clairement donné la, la couleur. Ah oui, bien sûr. Ouais. Il avait dit, non, moi, ce qui compte, c'est l'argent. Ouais. Les jeux, ça, c'est... Moi, ce qui compte, c'est l'argent. Donc voilà, tu savais tout de suite dans quoi Activision s'embarquait. Mm-hmm. Moi, ce qui m'a fait vraiment très, très, très peur, c'est quand, quand ils ont rattrapé Blizzard. Et là aussi, oui. En ce moment, chez Blizzard, ça, j'allais dire, voilà, ça bouge pas mal. Licenciement aussi chez Blizzard. Ouais. Donc, c'est tombé tout à l'heure, j'ai vu, il y a pareil, Blizzard qui vient de licencier. Après, Blizzard, ça fait un petit moment qu'ils font des choix assez discutables. Après, si vous aimez Overwatch, c'est pas un mauvais jeu non plus. Mais je parle des choix de façon plus générale de sur le modèle économique ces derniers temps. Mais ça touche beaucoup de studios en ce moment, j'ai l'impression. Ouais. Cette vague de licenciements, il n'y a pas que ces deux qui sont touchés. Ben, on va en parler vite fait quand ça sera mon coup de cœur, mais GOG aussi a été touché par ça. Il y a une petite c'est vrai, c'est, du coup, c'est la parfaite transition, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter. Parfait, c'est... Bon, bah vas-y. Alors, je ne vais pas enchaîner quand même sur le, la triste déchéance, mais... moi, GOG, c'est vraiment la plateforme que je préfère. Pour ceux qui, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas GOG, c'est une plateforme d'achat de jeux en ligne, encore une, vous allez dire. Sauf qu'il a deux particularités. Il propose principalement des jeux à l'ancienne, des vieux jeux PC, et surtout, c'est sans protection. Vous achetez les jeux, vous les gardez, ils sont à vous. C'est ça, il n'y a pas DRM, de DRM. Nos DRM. Vous pouvez repartager les jeux, les garder, et être propriétaire et, du. À la base, c'était pour les vieux jeux PC. Depuis, il y a des jeux indés. Il y a aussi les jeux, toute la série des The Witcher, etc. Donc, si vous ne connaissez pas, allez-y. C'est vraiment une excellente plateforme que je recommande vivement. Confirme. Et moi, bah, mon coup de cœur, il date de un ou deux jours, à peu près. Je ne sais plus, parce que j'y ai tellement joué, j'ai perdu la notion du temps sur ce jeu-là. C'est la sortie de Diablo de 1996 sur la plateforme GOG. Et pour un vieux joueur PC... Enfin, vieux... Même temps dans les jeux vidéo, au bout de 5 ans, c'est déjà un vieux jeu. Ouais. De toute façon, ouais, c'est vrai, ça va très vite. Mais moi, c'est, j'étais très content de la nouvelle de retrouver ce bon vieux Diablo. Depuis que je l'ai téléchargé, installé sur le PC fixe, installé sur le PC portable, j'y joue quasiment chaque fois que j'ai l'occasion. Ça permet à ma Switch de se reposer un peu, tu me diras. Tant mieux pour elle. Et voilà. Après... Quelques précisions, c'est la version anglaise uniquement, mais le patch français qu'on peut trouver facilement sur Judge Hype, qui est un site de fans dédié à tous les jeux Blizzard, on le trouve très facilement, fonctionne avec le jeu. Si vous avez quelques questions quand même techniques, n'hésitez pas à passer sur le forum Canard PC, il y aura toujours quelqu'un pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est compatible aussi avec le mode HD, donc de Belzebub, si j'ai bonne mémoire du pseudo, qui change aussi beaucoup le gameplay. Bref, c'est vraiment un grand plaisir de retrouver ce jeu. Attention tout de même, c'est un jeu de 96. C'est rustique. Oui, et puis c'était un peu une première version avant la version aboutie qui est Diablo 2. Finalement. Qui est Diablo 2. Bah, à la base, ce qui est Diablo n'était pas prévu comme ça. Hein. Ouais, c'était ouais. Censé être un jeu de rôle tour par tour. Mm. Bon, par contre, il se déroulait bien sur plusieurs sous-sols, sur plusieurs étages. Ça, c'était bien prévu, l'univers était à peu près celui-là. Mais et même quand on y rejoue encore aujourd'hui, en connaissant tout ça, on sent, on voit vraiment les restes de ce que devait être le jeu à l'origine. Mais moi, je trouve que c'est toujours aussi plaisant à jouer. Et même si vous n'arrivez pas à jouer au premier Diablo, ce que je peux comprendre, écoutez juste la musique. De Tristram, par exemple. Voilà, le thème de Tristram est... Ou les autres musiques, mais alors à ce moment-là, dans le noir, si vous voulez vous faire un petit peu peur, peut-être. Voilà, mais... Le thème de Tristram, juste celui-là. Magnifique. À écouter en boucle. Je m'en lasse pas. Eh ben merci pour ce coup de cœur. Et c'est 8,99€. D'accord. Précisez le prix. Quoi, le conseil ou le... Ah, le conseil, je sais pas. Abonnez-vous. De mon côté, pour mon coup de cœur du mois, ce sera un jeu sur mobile. Ouais, ça change un peu. Ouais, c'est un jeu que j'ai découvert il y a 2 jours seulement. C'est un petit jeu qui s'appelle Rime, alors qui n'est pas le Rime que tout le monde connaît. Bah non. En fait, c'est un escape game sur smartphone. Ok, moi je ne connaissais pas. D'accord. Et en fait, pour la petite anecdote, j'ai joué il y a quelques jours un jeu sur PC qui s'appelle Deceit. C'est un jeu où on incarne des personnages qui vont devoir sortir d'une pièce. Il y a des infiltrés parmi nous qui doivent bloquer les autres. Ok. Et suite à ça, je me suis dit, si c'était encore plus escape game, ce serait cool. Donc j'ai cherché jeu escape game, j'ai pas trouvé grand chose. Et ensuite, sur mon smartphone, je fais par hasard sur le Play Store Escape Game. Et là, j'ai toute une liste de jeux. J'en vois un qui est plutôt bien noté, qui a l'air cool, donc je le télécharge et vraiment chouette. Rime, le principe, c'est que vous allez ouvrir un bouquin et il semble que vous êtes plongé dans ce bouquin. Vous êtes dans une pièce, vous voyez une porte fermée par un cadenas, etc. Et en fait, vous allez devoir analyser tous les éléments qui sont autour de vous, récupérer des pièces, comprendre des codes, etc. pour essayer de sortir de ce bouquin. C'est vraiment assez chouette. Je l'ai fini en, je pense, 4 ou 5 heures. Donc, il y a quand même de quoi faire. Ouais, il est mal, un mobile, ouais. Pour un jeu mobile, ça vient 4-5 heures. Il n'est pas si simple que ça. Il n'est pas ultra hardcore. Il y a 2-3 moments où je suis un peu resté bloqué. Enfin, même un peu plus que ça. Après, j'ai pris mon temps. Je prenais mes petites notes sur un papier de temps en temps pour essayer de décrypter des codes, des choses comme ça. Bref, c'est assez cool. Et sans trop en dévoiler, le jeu arrive encore à s'étendre sur la fin, même quand on pense avoir fini le jeu une première fois. Bref, il est gratuit, il est disponible sur Android et iOS. Aucune raison de ne pas l'essayer, donc. Oui. Le seul truc, c'est que comme il est gratuit, en dessous du jeu, il y a un petit volet publicitaire. Ouais, mais ça, c'est... Et alors moi, je ne l'ai pas utilisé, mais si vous êtes complètement bloqué dans le jeu, en fait, on peut vous donner un indice si vous regardez une publicité. Ah, oui, oui. Okay. Pour pouvoir avancer dans le jeu. Okay. J'ai découvert que c'était un jeu japonais développé par un studio qui s'appelle Izumi Artisan. C'est un jeune studio qui a quelques années. Et bref, moi, je me suis laissé prendre au jeu. Si vous aimez les escape games, ça peut être une bonne expérience. Alors, le niveau de difficulté n'est peut-être pas hyper hardcore si vous avez l'habitude de faire des escape games. Ce n'est pas mon cas, donc y a des moments où je suis resté un peu coincé à essayer. Okay. Essayer, voilà. C'est vrai que moi, je me pose souvent la question de l'escape game. Moi, je le fais physiquement. Ouais. Et je cherche un peu l'intérêt d'un escape game en jeu vidéo ou même en jeu de plateau. En fait, le truc, c'est que déjà physiquement, des fois, c'est en groupe. Là, ça te permet d'avoir une expérience solo où tu vas vraiment prendre ton temps. En fait, moi, ce que j'ai trouvé chouette, c'est de trouver des indices, prendre mes petites notes sur un calepin, essayer de comprendre qu'est-ce qui collait, etc. Et ça te permet aussi d'avoir une expérience que tu peux difficilement avoir dans la vraie vie. Là, par exemple, dans le jeu, il y a un endroit, il y a un ascenseur. Faire un truc avec un ascenseur dans la vraie vie, ça demanderait d'être dans un bâtiment où tu as 2 étages, etc. Ouais. Voilà. Et t'es pas contraint par un timer, finalement. Non, tu peux y passer autant de temps que tu veux. On parlait tout à l'heure en off un peu de l'intérêt de la VR. Ça, c'est le genre de truc en VR. Carrément. Ouais, Carrément. C'est vrai que techniquement, comme tu dis, dans le réel, techniquement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu parles de l'exemple de l'ascenseur, qu'on peut faire en jeu vidéo. Tu rajoutes le casque VR par-dessus pour des petites sessions, des petits escape games. Ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Ouais, moi j'ai dû me faire, tu vois. Avec une bonne ambiance, ça peut très bien marcher. Ouais. Là, je me suis fait 3 sessions de 2 heures, je pense. Et franchement, cool quoi. Vraiment cool. Je me suis laissé prendre par le truc. Il y a un petit fond musical qui te met un peu dans l'ambiance. Enfin, c'est assez sympa. À jouer plutôt le soir, à mon avis. Ah bah oui. Parce que vraiment, il y a une petite ambiance. Alors, ça fait pas peur, mais il y a un côté. Stress un peu. Ouais, on est tout seul. Inquiétant, je dirais. Ouais, okay, inquiétant. D'accord. Voilà. Okay. On a fait le tour de nos coups de cœur et coups de gueule. J'espère que je vous aurais donné envie de tester ça. Dans tous les cas, c'est gratuit. Donc, essayez. J'ai fait l'escape game, donc à tester. Hein, franchement. Et on va passer sur le gros morceau. Je vous préviens, on a 1h30 max devant nous. Mon Dieu. Donc. Voilà. Moi, je peux tu vas voir, ça va te dire. Moi, ne vous inquiétez pas, moi, c'est. Je peux réduire 2 jeux en un seul. Ok. En un seul événement. Ouais. On passe au débat. Alors, débat oui et non, parce que est-ce c'est qu'on plutôt peut parler le thème de débat du jour. Voilà, c'est ça. Bah ouais. L'idée aujourd'hui, l'intitulé qu'on avait trouvé, c'était nos plus beaux souvenirs de gamers. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas tous la même interprétation de ça. Ouais, moi, j'avais plutôt pensé à des événements particuliers ou des jeux. Pas forcément des jeux. Ouais. Toi, tu avais plutôt conseillé de venir avec 2-3 jeux. Après, qui nous si justement, tu as des expériences personnelles qui accompagnent moi, c'est ce j'ai jeu, fait. Ça peut être intéressant. À part pour le troisième jeu qui est vraiment très. Personnel, je suis sans doute pas le seul à avoir noté celui-là. Pareil, mais pour les deux premiers, c'est lié à une période assez particulière du jeu vidéo, même de ma vie. Eh ben, à mon avis, c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est dans quelles conditions vous avez découvert le jeu, qu'est-ce qui vous a fait vibrer, pourquoi. Apporter, voilà, montrer que le jeu vidéo, c'est aussi une expérience qui est personnelle. Ouais. Donc l'idée, c'est qu'on a tous sélectionné 3 jeux environ. Alors, ce sera compliqué de beaucoup s'étaler sur chaque jeu, parce que sinon, on en aurait pour une journée complète. Mais il n'empêche que, voilà, moi, j'ai très hâte d'entendre et déjà de voir quel jeu vous avez sélectionné. Pour le moment, on n'a rien dévoilé les uns aux autres. Qui a envie de commencer? Moi, je partirais bien. Je ne sais pas lequel de vous deux est le plus âgé. 34. Pareil, bientôt 35. Ah, 35 dans 2 mois. Okay. Ah, c'est bon pour toi, alors. Moi, c'est pas avant juillet. Eh ben, on va commencer par Fabien, par le ensuite Duncan. T'es plus jeune que moi. Ensuite, ce sera moi et on finira par Théo. Ça marche. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que je pense qu'on va aussi remonter dans le temps. Mais oui, voilà, j'allais le dire. Il y a forcément des choses que moi, j'aurais pas joué. Donc Fabien, quel est ton premier jeu? Alors mon tout premier jeu, avant de parler des 3 jeux qui m'ont marqué vraiment énormément, mon tout premier jeu, j'y réfléchis il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je pensais que c'était lorsque ma sœur avait acheté une NES avec des Tortues Ninja. C'est un jeu affreux et trop dur. Il y a eu un jeu avant. Il n'est pas affreux, il est dur. Il n'est pas affreux, je l'aime bien, parce que j'ai un bon souvenir avec. Mais en tout premier lieu, j'ai joué sur sur Amiga. Je devais avoir 5 ans, et j'avais un ami qui avait un Amiga 500, et j'ai joué à un jeu que j'ai retrouvé le nom, c'est Silkworm. Et c'est un jeu de guerre au Vietnam, voilà, évidemment, où en fait on pouvait jouer à deux. C'est pas ma guerre, mon colonel. C'est ça, c'était un peu ça. En fait, c'était en scrolling horizontal, et on avait donc un joueur qui jouait l'hélicoptère et l'autre une jeep. Donc finalement, on avançait en scrolling, puis on devait défoncer tout le monde. Ouais, et donc, ça ne faisait rien à l'époque. Hein. Ouais, alors, mais... C'est mon premier souvenir de gamer tout jeune. Bon, c'est pas celui qui m'a le plus marqué, mais c'est ma première expérience. Ok. Voilà. C'est que plus tard, finalement, que j'ai eu ma console, c'était pas la NES, mais c'était la Super NES qu'on m'avait offert avec le jeu Super Mario World. Excellent jeu. Ah bah, t'as pas attaqué avec ce qu'il y a de plus mauvais, on va dire. Non, voilà, c'est ça. Là, j'ai eu des bons jeux qu'on m'a prêtés, avec Castlevania 4, etc. Ok. Des bons titres. Mais si je pars sur un jeu qui m'a vraiment marqué en priorité, ça va te faire plaisir, Duncan, parce que j'ai beaucoup de souvenirs sur PC. Parce que j'étais joueur PC exclusivement. Moi, j'ai pas fait la liste de tous les jeux PC qui m'ont marqué, sinon on en a pour une journée. Finalement, ça a été le plus dur, ça a été d'en sélectionner 3. Oui. C'est pour ça que moi, je suis resté. Ça m'a arraché le cœur, mais aussi. J'ai pas mis Pokémon. Et moi, c'est pareil, j'ai pas mis mon jeu préféré. Hein. Ok. Eh ben, vas-y, commence donc avec un jeu. Je pourrais mettre mon jeu préféré, mais j'en parlerai après. Ouais. Donc, j'étais joueur PC, et malgré tout, j'ai joué sur un jeu qui était connu sur console, c'est Final Fantasy VII, un titre que j'avais pas de PlayStation à l'époque. Et donc, je bavais, en fait, j'achetais des magazines en magasin de presse, pour voir un peu les screenshots, les images du jeu en mode... T'avais pas joué à la démo? Parce qu'il y avait la démo à l'époque aussi. J'avais pas la console, en fait, j'étais sur PC. Non, sur PC, il y avait la démo. Il y a eu la démo, mais bien plus tard, en fait. Parce que le jeu PC, quelques années après. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était même quasiment à la sortie de Final Fantasy VIII sur PlayStation. En fait, je découvre qu'il y a une version PC de FF7. Oui, je savais pas. Parce qu'on va pas faire trop long, mais je te conseille de te renseigner sur le développement de cette version, parce que tu vas apprendre plus aussi sur la version PlayStation, dont une partie, voire même complètement, les fichiers ont été paumés. Oui. Donc les portages de FF7 qui ont lieu actuellement, qui vont avoir lieu notamment sur Switch, se basent sur la version PC. Oui. Ok. Ah ouais. Où il n'y avait pas l'erreur, on disait cloud et pas clad, notamment. Par contre, la traduction, elle n'était pas beaucoup mieux. Et du coup, pourquoi le choix de ce Final Fantasy VII? Ça m'intéresse. Alors moi, surtout pour l'attente. Ouais. Tous mes amis l'avaient, et moi je ne l'avais pas encore, donc je ne pouvais pas vraiment y jouer. Espèce de joueur PC. C'est ça. Et en fait, ce qui était marrant, c'est comment j'ai trouvé, parce que c'était un jeu qui était assez mal distribué en France, à une époque où c'était compliqué d'avoir des magasins spécialisés, en tout cas là où j'habitais. Et donc j'ai commandé le jeu sur les 3 Suisses. D'accord. Non, tu rigoles. Après être passé dans les rayons lingerie, non. Bon, en fait, je suis. C'est un joueur PC, pas de problème. Ouais, voilà, je confirme. C'est ça. Et du coup, voilà, j'avais vu ce jeu-là, et il m'était sorti prochaine, etc. Vous pouvez le commander. Et donc, je l'avais commandé, je crois qu'il coûtait 400 francs, 449 francs, enfin bref. Et sans savoir s'il allait tourner sur mon PC, qui était assez ancien. Oui. Et il y avait des retards suite à l'annonce dans ce catalogue. Le jeu est sorti beaucoup plus tard, donc j'ai attendu pendant des mois qu'il arrive enfin. Donc après, évidemment, j'ai tellement attendu le jeu que j'ai vraiment été impatient d'y jouer, hein, finalement. Et donc, c'était une expérience énorme tout au long du jeu. Je sais que tu es un gros joueur de RPG. Ouais, c'était donc mon premier RPG. Voilà, c'est ce que j'ai demandé. Est-ce que c'est pas lui qui t'a mis dans le bain, quoi? C'est lui. Attention, on parle de JRPG. Ouais, oui, mon premier JRPG. Sans vouloir être casse-pied, il y a une différence quand même. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, toi, tu aimes les deux genres de RPG. J'aime les deux genres. Ouais. Aujourd'hui, je suis plus RPG occidental. Ouais. Il y en a plein qui sont en train de ressortir à l'ancienne, c'est du bonheur. Ah oui, oui. Et donc, ouais, je suis grand passionné et collectionneur de RPG. Donc, du coup, FF7, pour moi, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué. Même si, dans les faits, je préfère le 6. D'accord. Mais le 7 m'a plus marqué en tant que gamer, quoi. Ma préférence va plutôt au 8, mais c'est personnel. Ouais, voilà. Et pour la petite anecdote, tu disais que ça avait tellement tardé, etc., que FF8 était arrivé sur PlayStation, ah, oui, etc. Pour la petite anecdote, moi j'ai joué à FF8 sur PC avant de jouer à FF7. Ah, d'accord. Ouais. Bah, carrément. Le 8, j'ai sur PC aussi, j'ai acheté sur PC. Et j'ai attendu le 9 très longtemps, il n'est jamais venu. À part sur Steam il y a un ou deux ans. Voilà. Sinon, il faut Switch, il est très sympa. Et du coup, vous, c'est un jeu aussi qui vous a marqué. Déjà, est-ce que vous y avez joué? Non. Non, pas du mais tout. Mais je connais. Ouais. Et j'ai des collègues qui sont très très fans de Final Fantasy. Ouais, bah c'est un des jeux cultes de l'histoire du jeu vidéo. Ah oui, non, mais quand je dis fans, ils sont vraiment. Je pense que si on devait retenir 50 jeux dans l'histoire du jeu vidéo, ils seraient dans la liste. Ah oui, bien sûr, ils seraient dans la liste. Moi, j'y ai joué, je l'avais découvert avec une démo, moi, justement. Une démo qui était. À l'époque des CD de démo dans les magazines, il y avait FF7, je ne connaissais pas du tout les Final Fantasy et jeux de ce genre. J'ai découvert, j'ai dit ok, ça me plaît bien. J'ai attendu un peu, il y a FF8 qui est passé par là, voilà. Après, c'est une question aussi de goût personnel. Moi, je suis beaucoup plus RPG à l'occidental, Baldur's Gate, etc., que les Final Fantasy, ce qui ne m'empêche pas d'avoir acheté le FF9 sur Switch et d'y jouer. J'achèterai sans doute le 7, le 10 et le 12 qui sortiront sur Switch également. Mmh. Voilà. Mais c'est un jeu, c'est pas un mauvais jeu non plus, j'allais dire c'est pas un jeu qui m'a marqué, mais pas dans le sens c'est un mauvais jeu. C'est pas un jeu qui m'a le plus marqué, parce que question. Mmh. Moi j'y ai joué vraiment sur le tard, si je me souviens bien j'ai dû y jouer en 2010. Ah oui, ah oui, quand ouais, même. Ouais, moi non, j'ai jamais joué. Et en fait, j'y ai joué pour une raison. Alors déjà, je venais de choper une PS1, parce qu'avant, j'étais plutôt sur les consoles Nintendo, etc. Mais surtout, j'ai vu le film Final Fantasy Advent Children. Il sortait en 2010 Non, il est même sorti plus tôt que ça. Mais ah oui, avant, 2007, je pense. Il est sorti avant, mais j'ai dû le voir vers 2009-2010. Et j'ai tellement aimé l'univers et les personnages que je me suis dit, il faut que je fasse ce jeu. Et t'as compris quelque chose au film sans avoir joué au jeu? Ouais, franchement, ça va. Après, le fait de... Il y a de... certaines subtilités si t'as pas joué au jeu. Oui, oui. C'est un peu compliqué, ouais. Mais, et du coup, j'ai kiffé le jeu, mais parce que j'aime l'univers et les personnages. Après, c'est un jeu qui, à mon goût, est assez mal vieilli. Ah, mais oui, graphiquement, c'est sûr. Et, il y a quelques modes sur PC qui permettent de rehausser un peu le truc, mais ça reste un vieux... Mais grand jeu, voilà. Grand jeu quand même. Mais ça va, moi je trouve qu'il vieillit pas trop mal pour des jeux de l'ère PlayStation. Il y a des jeux qui vieillissent beaucoup. Il y a beaucoup pire. Ah oui, il y a toujours pire. Pas mal. Ouais. Et c'est en partie au parti pris graphique, très oui, carré, et puis des arrière-plans en 2D. Voilà. Bon, après, c'est sûr, si vous mettez ça sur votre télé 4K, machin, vous allez pleurer. Mais en s'arrangeant un peu, ou sur Switch, hein, je pense que sur le petit écran de la Switch en portable, ça sera tout à fait agréable, ouais, à jouer. Hein. Ouais, carrément, bien sûr. Ouais. Ou sur PSP, je crois qu'il était sorti sur PSP aussi, ou PS Vita aussi. De toute façon, les Final Fantasy, chaque fois qu'il y a eu une console Sony, s'ils avaient l'occasion de le relancer dessus. C'est clair. Avaient... Oui, oui, c'est sûr. Je veux bien te poser une dernière question. Étant donné que c'est un des jeux qui t'a le plus marqué, est-ce que tu attends le remake de Final Fantasy VII ou pas du tout? Alors je l'attends, mais avec un peu d'appréhension. Ouais. Parce qu'il était dit, alors je sais pas, j'ai pas trop suivi ces derniers temps ce qu'il en était. Le format épisodique. Ouais, hein. Le format épisodique. Le format épisodique, ça a été annoncé il y a déjà 2 ans. Ouais, ouais. Donc... Mais je sais pas s'il y a eu des nouveautés depuis. Rien. Voilà. Mais, calme plat. Ouais, mais je suis même Shenmue a eu plus de nouvelles que, que le remake de FF7, c'est dire. Ah oui. Mais ouais, non, je l'attends, mais je vais être assez timidement, et puis je vais être assez critique sur le résultat final, en fait. Ok. Mais il s'attaque pas à un petit morceau, quoi. Ouais. Ok. Duncan. Tu veux enchaîner sur les autres que tu as ou fais chacun son tour? Ouais, on va faire chacun son tour. Okay. Je trouve que c'est un peu sympa, Duncan. Alors, moi, je vais citer rapidement le premier jeu et ensuite faire la transition avec l'événement, avec la particularité qui a marqué ma vie de joueur PC. Donc, déjà, je vais citer Half-Life. 98-99. Pour moi, il y a un avant. Fabien va rebondir parce que je crois comprendre que c'est cool. Dans sa liste. Ouais. Bah, on va y aller. Il y a un avant, il y a un après. Half-Life, pour moi, je me souviens aussi de ce qui était marqué sur la boîte Half-Life Génération qui regroupait Half-Life, Opposing Force et Blue Shift. Le jeu de toute une génération. Moi, je fais clairement partie de cette génération. Half-Life, voilà, ça m'a marqué pour plein de choses, le jeu lui-même, Valve qui est devenu ce qu'on connaît, ensuite Steam, etc. Mais voilà, il n'y aurait pas eu Half-Life, il y a plein de choses dans le monde du jeu vidéo, aussi bien console que PC, qui n'auraient pas vu le jour, ou peut-être plus tard. Son intelligence artificielle, ses niveaux, son ambiance, sa démo, unique. Ouais. Sincèrement, chercher sur Internet la démo. Ouais. Elle ne correspond pas, elle correspond au jeu, mais c'est un niveau à part entière, c'est un niveau indépendant. Ça aussi, c'était très rare. Ça se fait encore un peu de nos jours, quand même, je crois. D'accord. Il me semble avoir entendu parler d'un jeu assez connu qui proposait une démo indépendante. Ok. J'ai plus le nom en tête, je suis désolé. Mais voilà, alors c'est un jeu que moi j'ai poncé. Comment tu l'as découvert ce jeu finalement ? PC jeu, la démo. PC jeux, les articles, enfin voilà, je me souviens encore des premières images toutes granuleuses, tu sais, sur le magazine et tout. J'ai dit, putain, ça me plaît. 98, ça, non ? 98, une sacrée année. Ouais. Or, 98-99, moi j'ai presque envie de dire deux meilleures années niveau jeux vidéo, PC, mais bon, il y a eu avant, il y a eu après. Mais Half-Life, ça a tellement tout changé, les modes. Counter-Strike, la tonne de modes qu'il y avait. Bah, c'est ce que j'allais te dire. En fait, moi, autant je suis passé à côté du phénomène Half-Life, par contre, je me suis pris Counter-Strike dans la tronche et j'ai presque hésité à mettre Counter-Strike dans ma liste. Mais du coup, je te laisse la parole. Je vais quand même, après, te laisser la parole pour Half-Life, autant le faire en même temps, au lieu d'enchaîner directement sur ce que j'allais dire par la suite. Mais, enfin. Et puis, il y a le remake en cours. Oui. Black Mesa Source. Qui est quasiment fini, ça y est, le dernier niveau arrive enfin. Ah, ça y est. On est normalement pour cette année, Xen arrive. Et déjà que alors c'est un remake fait par des fans. Hein. On parlait du remake de Resident Evil 2, mais on est dans le même niveau de qualité. Si ce n'est plus, je ne sais pas, j'ai pas joué au remake de Resident Evil. Mais gameplay revu, modernisé, moteur graphique, bon, ça reste le Source Engine, mais bien modernisé. Level design refait, plein de scripts, plein de petits clins d'œil, etc. C'est un pur bonheur à jouer quand on a passé des lustres sur le premier jeu. C'est vraiment... moi, je suis très content. Voilà. J'ai toujours les disques originaux. Donc comme ça, j'ai pas besoin de passer par Steam, moi. Ça fait plaisir. Et puis Half-Life, en fait, il avait un intérêt en rayon, en magasin. C'est qu'il coûtait pas cher. Il coûtait 300 francs. Ce qui était assez souvent, on était plutôt sur 400 francs sur un jeu, un jeu PC à cette époque-là. Il était un peu moins cher. Il y avait déjà un mode multijoueur à l'époque, qui n'était pas... j'ai pas gardé un bon souvenir. Non. Mais quand on commençait à voir débarquer les modes, il y avait une appel, aussi bien les modes solo que les modes multijoueurs, et que Counter-Strike est arrivé dans la foulée. Ouais. Même si la première bêta, moi je m'en souviens encore, était buggée, mais que ce n'était pas permis. C'était une horreur, mais... T'avais le fond du jeu qui était là et t'accrochais déjà. Ouais. C'était buggé, les cartes étaient mal foutues, tout ce que tu veux, mais t'accrochais. Et même si, pour aller encore plus loin dans le côté l'appréciation du jeu, je crois que c'est le seul jeu pour lequel j'ai lancé l'éditeur de niveau et j'ai commencé à faire mes propres niveaux. Ok. Ça m'est jamais arrivé sinon. Il était livré avec tous les outils pour. Ouais. Il était pratique. Alors c'était pas le premier jeu à le faire, non. Mais t'avais tous les outils. T'avais les outils, enfin pas de développement parce qu'ils étaient un peu arrangés, un peu facilités, mais c'est comme ça qu'est né, justement, on a cité Counter-Strike, mais moi je citerai également Natural Selection, j'ai passé énormément d'heures dessus, il y a Natural Selection 2 qui est sorti beaucoup plus tard, et je peux pas m'empêcher d'en parler parce que ça c'était mon jeu coup de cœur de l'année dernière, Subnautica. Ah oui, c'est une perle. et qui était offert il y a pas longtemps sur, ouais, par sur l'Epic Game Store, ouais. Et disponible pas en précommande, en early access. Il y a l'extension aussi, ça commence déjà très bien. Moi, je suis gros fan aussi de ce studio. Et pour la petite parenthèse, je m'écarte vite fait du sujet, mais je reviens après très vite. Pour la petite parenthèse, on parle Kickstarter, etc. Mais c'est Non Studios qui, les premiers, ont fait ce genre de truc avec Natural Selection 2, justement, qui proposait financer notre jeu. Et on va le développer. Ça a duré 7 ans quand même, parce qu'ils ont tout fait maison. Ouais. Mais c'est les premiers à avoir fait ça, et le jeu. Donc, si tu veux rajouter quelque chose sur Half-Life, vas-y, ouais, fais-toi plaisir. Je vais juste dire la petite anecdote de joueur, comment j'ai connu le jeu. Vas-y. J'étais en 3e, j'avais 15 ans, et j'avais un joueur PC dans ma classe. Il me disait, tiens, j'ai un jeu, là, il a l'air super chouette, je viens de le commencer. Il est vraiment varié, les armes sont variées. Il me dit, bon. Enfin, je lui dis, bon, bah écoute, prête-le-moi à l'occasion. Et comme on ne travaillait pas l'après-midi de mercredi, il m'a dit, tiens, je te passe le jeu, tu le testes après-midi, tu me le rends demain. Je me souviens, il neigeait, détail. Et donc, j'ai passé mon après-midi sur le jeu. Le jeu m'a inspiré. Il a vraiment marqué, hein, parce qu'il te dit tout ce Ah oui, c'est sûr. En fait, j'ai le souvenir encore d'y jouer, et en fait, de l'avoir installé, le jeu tournait très très bien. J'avais une configuration modeste, et le jeu était bien optimisé pour l'époque. Et je me souviens de ne pas avoir décroché. Dès le début, je me suis dit, mais c'est quoi tous ces PNJ qu'on peut parler? Ah ouais, et donc il y a des choses qui s'enclenchent. Bonjour Freeman, voilà. Vous êtes en retard. C'est ça. Et tout ça, je vous paye une bière. Voilà. Et quand on le connaît le jeu par cœur, désolé. C'est ça le truc, ouais. Et le truc, c'est que les jeux, les FPS qu'il y avait à l'époque dans le même style, des PNJ, il y en avait deux dans tout le jeu. Là, on en avait déjà 15 dès le début. Moi, les jeux de l'époque, entre guillemets, c'était Quake Doom, et les PNJ qui étaient là, ils étaient juste là pour se faire flinguer. Hein. C'est ça. On n'était pas là pour interagir ou autre. Et puis, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté vivant, puis l'intelligence artificielle. Tu te souviens certainement des militaires qui communiquaient, ouais, entre, ouais, eux. Ouais. C'était nouveau, puis ils communiquaient entre eux. Il est là, il est planqué là et tout. Puis quand tu étais habitué au jeu de l'époque, entre guillemets, tu disais, ouais, bah, je vais foncer dans le tas, enfin, où ils vont venir, tu es planqué au bout d'un couloir, tu dis, ouais, bah, ils vont venir me flinguer. Non, ils te balancent une grenade. Ouais, ils délogent. Ah merde. Ouais. Oups. Ouais, ouais. Puis la grenade, bah, t'as pas le temps de réagir, et tu te la prends en pleine poire. Pour la petite anecdote, le jeu était très optimisé, certes, mais moi, je me souviens que le CD de démo, je l'emmenais au club informatique au collège, parce qu'ils avaient carte 3D. J'avais pas de carte 3D chez moi. Ah. Donc, moi, je faisais tourner la démo sur le club informatique pour pouvoir pleinement profiter du jeu. Bon, puis après, j'ai acheté je crois à l'époque, c'était la Voodoo 3DFX que j'avais acheté pour jouer à Half-Life. Voilà. J'avais la Voodoo 2, sacré souvenir. Yes. Ouais. Ça donne envie d'y jouer. Hein. Alors, tu peux toujours jouer au premier, c'est toujours agréable à jouer. Ouais. Après, ça dépend de ton niveau de tolérance, niveau visuel, j'ai envie de dire. Parce que je sais que moi, j'aime bien les vieux jeux PC. Mm. Donc, moi, je parlais de Diablo tout à l'heure, ça a une patte très particulière, c'est les vieux jeux. Ouais, ouais, si tu préfères les graphismes modernes, à ce moment-là, penche-toi plutôt sur Black Mesa Source, qui est le remake. D'accord. Ça sera beaucoup plus agréable. Ouais, je pense. Ouais. Et tu prendras vraiment plaisir à y jouer. Mm. C'est certes pas le jeu d'origine, mais c'est tellement bien foutu. C'est comme si bah, t'as pas joué à Resident Evil 2, bah, joue direct au remake. Oui, remake. Bah, oui. Ouais. Okay. Une aussi ça, bonne expérience. Voilà. Ok, bah. Moi, j'adore les anecdotes personnelles, ouais. Jusqu'à la météo. Et moi, je suis gogol avec ça. Moi, j'en ai aussi. Hein. J'ai beaucoup d'affect. Sur après, comme tu veux, soit j'enchaîne un petit peu sur la suite, soit on continue le tour de la table. Ah, toi de voir. Alors moi, si t'as un enchaînement logique, vas-y. Hein. Ah bah j'ai un enchaînement logique bah, parce vas-y, que vas-y. J'allais enchaîner sur Quake 3 Arena, jeu que j'ai poncé. Il est bon. Et on parlait de la guerre des consoles tout à l'heure, bah, t'avais la petite guerre, une Unreal Tournament de Quake 3, ouais. Lequel était le meilleur? Moi je m'en foutais, je jouais au jeu 2. Tournament. Moi je m'en fous, je jouais au 2. Ouais, je jouais au 2, mais j'avais une préférence pour Unreal Tournament. J'étais meilleur sur Quake 3, par contre. Ah, okay. Il fallait pas me prendre à Quake 3. Hein. Mm. Bon, aujourd'hui, tu peux y aller, je suis rouillé, il n'y a pas de soucis. Le Rocket quoi. Jump. Ouais, Quake Champion, j'y joue de temps en temps, mais mon niveau est tellement bas, je me fais massacrer, mais bon, c'est toujours autant un plaisir. Et si j'avais cité Quake 3 Arena, justement, c'est que c'est un jeu que j'ai énormément joué. Mais pas chez moi. les salles de jeu en réseau. Ah oui. En LAN. Ah. Voilà. Ah, moi, c'est pour ça que j'ai failli parler de Counter-Strike. Nous sommes fin des années 90, début des années 2000. La DSL n'est pas encore là. On collectionne les CD de 50 heures d'Internet, etc. Ah ouais, le... on sort le chronomètre parce qu'on payait à la minute. On sort le chronomètre une heure par jour, pas plus, etc. On ne peut pas jouer au MMO, sinon ça, c'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? Ben, on allait à la salle de jeu en réseau du quartier, du coin ou autre. À l'époque, c'était 3-4 euros de l'heure quand même. Et on jouait en réseau local ou un peu sur Internet. C'est venu un peu plus tard quand la DSL a commencé à se démocratiser. La plupart du temps, on ne l'avait pas encore chez soi, mais les salles de jeu, elles, avaient la DSL. Donc, on pouvait commencer aussi à jouer sur Internet. Mais voilà, c'était vraiment ça mon plus gros souvenir de joueur. Et notamment de joueurs PC, même si, pour la petite anecdote, hein, histoire que les joueurs consoles ne se sentent pas exclus, il y avait toujours deux salles. Hein. Enfin, en tout cas, moi, dans la salle où j'allais, tu avais la salle, tu avais la dizaine de PC, puis tu avais une autre salle, tu avais une ou deux consoles pour les joueurs qui voulaient jouer. Avec une bonne télé, je vous rassure, hein, même si la plupart du temps, ils jouaient plus souvent à FIFA qu'à Street Fighter ou autre chose, mais tu avais quand même une petite salle console aussi pour les joueurs console, et on se faisait des tournois de temps en temps. Ça me rappelle des souvenirs. Mais après, ça, moi, c'est un peu plus tard. Mais ça, c'est vraiment le gros souvenir. Quake 3, Unreal Tournament, Counter-Strike, la pelletée de modes que tu avais sur Quake, Half-Life, Unreal Tournament. Ça, t'as pas connu du tout. Non, mais Counter-Strike, par contre, si, un petit peu. Counter-Strike. Mais en salle de réseau. Ah non, j'ai pas connu ça. C'était... Ouais. Moi, je pense que j'étais pile à la limite. Ah, ouais. Je suis plus jeune qu'eux, donc. Mais à l'époque de Counter-Strike. J'étais entre le collège et le lycée et on allait à la salle de réseau quand je finissais à 16h jusqu'à 17h pour pouvoir prendre le bus après et tout. En gros, je rentrais en retard à la maison. C'est-à-dire, moi, j'ai même fait pire avec 2-3 copains au collège. Nous, on va au club informatique. Ouais. File-moi le CD. On avait installé Quake 3 sur toutes les machines. On avait planqué le dossier, parce que tu n'avais pas besoin du raccourci ni rien. Tu mettais juste le dossier en fichier caché. Le prof ne le trouvait pas. Nous, à chaque fois qu'il y avait club informatique, allez, t'es 4-5 à jouer à Quake 3 comme des malades sur le PC. Et prof nous disait, dis donc, vous l'avez installé rapidement. Ouais, pas de problème. Vous le désinstallez à la fin. Ouais, pas de problème. Non, le jeu, il restait. Caché. Voilà. 3 ans plus tard, ma sœur passe derrière moi au club informatique. Dis donc, ton jeu, il est toujours installé. Non. Toujours sur les PC, le machin. Voilà. Donc voilà. De toute façon, les LAN, on s'en souvient très bien du côté... Ouais. On branche le truc. Ah voilà. Non, moi ça marche pas. L'e-sport d'aujourd'hui, tu regardes les compétitions d'aujourd'hui, c'est tout bien organisé, ça. Non. À l'époque, tu embarquais ton. Enfin, c'est encore le cas aujourd'hui avec certains joueurs qui embarquent le clavier sous leur clavier sur le bras. Mais nous, à l'époque, t'embarquais. Le moniteur, heureusement, parce que c'était les moniteurs cathodiques, hein, donc gros machin. Par contre, t'embarquais la tour, le clavier, la souris. Les câbles, puis t'emmenais ça, et puis t'y passais 1, 2, 3 jours parfois. C'est ça. Pour faire ton tournoi. Ouais, alors je l'ai fait une ou deux fois, parce que bon, dormir sur place, c'est pas top, hein. Ouais. Mais c'est dur quand même. Il est vrai, ils avaient une poignée sur leur. Alors après, sur une centrale. Alors après, j'en avais une. Ça allait, comme la salle de jeu était pas loin, moi je pouvais rentrer chez moi, etc., pas de soucis. Mais je me souviens de camarades qui me racontaient ça, ou même dans les magazines, tu avais des images ou autre, enfin des mecs qui venaient avec le sac de couchage et compagnie. Quoi. Bah oui, c'était énorme. Mais voilà, c'était la bonne époque. Ça, c'était une belle époque. Alors, c'est clair. C'est une époque qui a pris fin avec la DSL qui a commencé à se démocratiser. Ouais, donc, ça s'est cassé la gueule vers 2005 à peu près. Voilà. Ouais, quasiment. Voilà, donc. Moi, c'était vraiment. Après, de ce que je sais, ça existe encore à quelques endroits. Oui. Quand je m'intéressais notamment au tournoi de StarCraft 2, j'ai notamment appris l'existence du Meltdown. Oui, c'est même en train de revenir, en fait, un peu. Mais dans une forme différente, parce qu'aussi les éditeurs se sont adaptés maintenant. On va prendre un autre exemple de jeu mythique, StarCraft. Tellement mythique que lui, il a complètement changé la Corée du Sud. Ouais. Alors, renseignez-vous. On en parlera peut-être un autre jour, mais StarCraft a complètement changé la Corée du Sud à un niveau pas croyable. Et StarCraft, ben, quand tu prenais le CD, tu pouvais installer le jeu complet sur un PC et tu pouvais passer le CD aux autres, t'installer la version multijoueur. Donc, t'en as un qui faisait le serveur et les autres se connectaient dessus. StarCraft 2, tout passe par Battle.net maintenant, voilà. Donc, c'est aujourd'hui, tu es obligé de passer sur Internet, le jeu local a quelque peu disparu. Même si je suis content de voir que ça continue d'exister, notamment sur, sur console, je pense tout de suite à la Switch aussi. Oui, carrément. T'emmènes la Switch, tu peux créer un salon local, chacun joue avec sa Switch à Smash Bros, c'est très sympa, très agréable. C'est pas mal. Voilà. Donc c'était les deux gros jeux que je voulais citer, surtout autour de justement cette période très particulière qui restera à jamais scotchée dans mon cœur, c'est cette période des salles de jeux en réseau et des LAN, c'est... Dis-toi qu'en seconde, on avait 1h30 pour manger. Et avec mes potes, on mangeait en même pas une demi-heure. Et à l'époque, j'ai même quelqu'un que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait son trou sur YouTube. Doc Gero, vous connaissez peut-être. De nom, le nom juste. Qui fait des vidéos sur le game design, etc. En fait, à l'époque, il était dans ma classe. Ok. Et donc, on bouffait vite fait en 20 minutes, 30 minutes. Et ensuite, on se tapait un sprint, mais vraiment un sprint de malade. Quelques morceaux de pain que tu foutais dans la poche. C'est exactement. Jusqu'à la salle de réseau, on se tapait une heure de Counter-Strike et on revenait en courant jusqu'au lycée pour être à l'heure pour le cours de 13h30. Ah ouais, c'était dingue. Ouais. Et on vous faisait ça quasi tous les jours. Vous au cours de matin. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait du sport? Non, on a couru de la salle de techno jusqu'à la salle de... Ah, nous, on attendait la dernière minute pour se barrer. Hein. Mais vraiment, mais ce qui est chouette, c'est qu'on devait sortir du lycée, courir jusqu'à la salle de réseau et revenir. Parce que c'était un truc qu'on payait à l'heure. Et les parties, on les configurait, mais à la minute près ou au frag près. Bon, il nous reste combien de temps? 5 minutes. Bon, bah écoute, on ne fait pas à 50 frags, tu mets à 5 minutes et c'est celui qui a le plus haut score. On était vraiment des malades. Tu peux le penser, tu peux le dire. Non, mais c'est ça qui est ouf, justement. On était des fous. On passe sur mon anecdote. Allez, ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, bon, le choix était hyper difficile. Hyper difficile. Je crois qu'il a été pour tout le monde. Oui. Je pense qu'on en a encore plein. Et le premier qui m'est venu, et ceux qui voient ma feuille voient que je l'ai raturé et que je l'ai quand même remis au final, c'est Secret of Mana. Secret of Mana sur Super Nintendo. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que j'ai noté les dates de sortie de chacun des jeux que j'ai mis. Et il y a pile 10 ans entre les trois jeux que j'ai mis. J'ai 93, 2003 et 2013. Donc, c'est trois souvenirs complètement différents. Secret of Mana, moi, c'était clairement pas en 1993 parce que je suis né en 91, fin 91, donc j'étais trop petit. Par contre, quand j'ai grandi... Ça dépend, il y en a qui ont commencé à 4 ans. Hein. Non, mais j'ai des photos de moi à 2-3 ans avec une Game Boy entre les mains. Par contre, mes vrais premiers souvenirs de jeux vidéo, ben, en fait, ça va être ça. Mais en fait, c'était même pas moi qui jouais, c'était mes parents. Et Secret of Mana, je devais être en CP, donc j'avais 5-6 ans. Et tous les soirs, quand je rentrais de l'école, ou même souvent, le week-end, etc., bah, je voyais mes parents jouer ensemble à Secret of Mana sur la télé dans le salon. Et c'est un jeu qui m'a mis une claque à l'époque, parce que je m'asseyais sur le canapé et je regardais mes parents jouer. Et j'y ai joué que plus tard. Et quand j'y ai joué, j'étais ado, donc beaucoup plus âgé, c'était dans les années 2000. Et ça a quand même été une baffe monumentale, un jeu que j'ai adoré avec un univers complètement dingue. Pour ceux qui ne connaissent pas Secret of Mana, c'est un action RPG donc, de 1993, développé par Square, qui a ensuite sorti Square des Soft, choses voilà, c'était le nom, comme, comme Final Fantasy, par exemple. Ah bon? Et la particularité, en fait, c'est qu'on pouvait jouer à ce action RPG jusqu'à 3 joueurs. On pouvait chacun incarner un personnage dans le jeu sur sa Super Nintendo en branchant sa manette et jouer jusqu'à 3 à ce jeu. Ce que je retiens notamment de ce Secret of Mana, c'est une ambiance visuelle et sonore complètement folle avec des environnements très colorés, des personnages assez fous. Il y a le personnage principal qui est une espèce de garçon avec un look un peu style manga presque. Et un de ses compagnons avec une espèce de tête de cochon à moitié, enfin, c'était assez fou. Et les musiques qui étaient d'une qualité, mais pour moi, ça fait clairement partie des plus belles BO de jeux vidéo de l'histoire du jeu vidéo. Je pense que tu y as joué, toi, à Secret of Mana, Fabien. Ouais, j'avais joué sur Super NES à l'époque, et je l'ai refait en émulation par la suite. Ouais. Ouais, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais. très très très beau jeu. J'ai même préféré sa suite. Qui n'est pas sorti chez nous. Ouais, Seiken Densetsu 3. C'est ça. Il n'y a pas une histoire d'arriver sur Switch aussi ou... Il y a eu un remake honteux de Seiken Densetsu sur PS4. Parce que je n'ai pas joué au remake et je n'ai pas joué aux jeux originaux. Si tu as l'occasion d'y jouer, franchement, c'est un jeu exceptionnel. Merci, émulateur, j'y penserai. Et pour le coup, on ne conseille pas le remake. on se retient. Mais en plus de ça, en fait, c'était même pas nécessaire de faire un remake parce que les action RPG et les RPG de la génération 16 bits, donc ouais, les jeux en général, Mega Drive, de la Super NES, ils vieillissent très bien. Tellement bien vieilli que 2D. Et en fait, c'est un jeu qui, moi, je le trouve encore actuel. C'est-à-dire que très facilement, je vais me relancer une partie, y jouer et me laisser prendre par le truc. Après, il y a une idée qui vient m'arriver en tête. S'ils faisaient un remake de ce jeu, mais à la sauce Octopath Traveler, que j'ai beaucoup aimé. Là, ça pourrait s'y prêter, ouais. J'ai beaucoup aimé le parti. Après, le truc, c'est que il n'est pas sur la SNES Mini de mémoire, si. Non. Je te rassure, on peut la bricoler. Oui. Mini, hein. Après, et notamment, en fait, mon plus beau souvenir avec ce jeu, c'était notamment le guide qui allait avec. En fait, il y avait le jeu et on va dire que les beaux RPG de la Super Nintendo ont tous eu droit à un guide. Il y a eu Mystic Quest, Secret of Evermore, Secret of Mana et Illusion of Time. Terranigma. Ils ont tous eu des magnifiques guides à l'époque, en fait, qui t'accompagnaient dans tout le jeu et notamment qui avaient des illustrations incroyables. Et moi, j'ai souvenir de mon père à la manette, ma mère en train de consulter le guide, etc. Et en fait, vraiment, ça, c'est ça qui m'a lancé dans le jeu vidéo, c'est le fait de voir mes parents jouer à des jeux comme Secret of Mana. Je faisais des parties de Street Fighter et de Mortal Kombat avec eux. Il y a eu aussi A Link to the Past, forcément. Et là, je me souviens, ma mère carrément dessinait les cartes à la main sur du papier pour savoir où aller dans les donjons et tout. C'est pour ça que je voulais aborder ce jeu, c'est peut-être pas forcément... Alors, ça fait clairement partie de mes jeux préférés, mais je pense pas qu'il soit dans mon top 3, enfin, j'y ai jamais vraiment réfléchi, peut-être en fait. Mais finalement, mon plus beau souvenir, c'est pas d'y avoir joué moi-même, même si ça a été une expérience incroyable. Tout ce qui l'entoure. C'est d'avoir vu en fait mes parents y jouer, et ce que ça représente, c'est vraiment comme ça que je me suis lancé dans le jeu vidéo. Exactement. Théo. Bah voilà, donc ta fin va devenir un peu mon démarrage à moi. Attends, on est des as de la transition. Ah ouais, là, pour le coup, là, c'est propre. Hein. Mais on fait même pas exprès. Non. Ils sont bons. Ah ouais, là, ouais. Bah moi, j'ai commencé donc sur PC. Donc mon père, au début, lui jouait beaucoup aux jeux FPS. Donc j'étais avec lui, je regardais ce qu'il faisait. Puis au fur et à mesure, dans le temps, je commençais à prendre un peu la main. Il faisait sa sauvegarde, moi la mienne. Donc je suivais ce qu'il faisait. Puis un jour, il m'a dit, bon, écoute. Maintenant, il est temps, tu vas pouvoir jouer toi-même à ton jeu, tu auras ta propre partie et tu vas te débrouiller. Ok. Et donc, ça a été Far Cry. Far Cry, le premier. Il sort en 2004. Ouais. Donc, j'ai joué un peu plus tard, mais donc, c'était mon tout premier jeu, donc un FPS. C'est pour ça que je tenais à en parler, parce que c'est quand même ça qui m'a fait. Développé par Crytek, édité par Ubisoft. Voilà, c'est ça. Exact. Bah, on se complète bien, là. Et un moteur graphique. CryEngine 1. CryEngine 1, absolument dingue pour l'époque. Ah, bah ouais. Et qui nous mettra une nouvelle baffe, je crois que c'était en 2007, Crysis. Crysis, 2007. Et alors, la baffe graphique qu'on s'est pris à ce moment-là. J'ai pas joué, mais je confirme. Et donc, bah, c'est ce jeu qui m'a fait décoller un peu dans ma carrière de gamer, on va dire. Ouais. Et donc, j'ai passé du temps, même ça a duré plusieurs années sur Far Cry, parce que je refaisais souvent les missions, je refaisais parce que... Des fois, j'ai remarqué qu'il y avait souvent des possibilités dans différents chemins. En fait, déjà, à cette époque, sur ce jeu, ils l'avaient pensé. On est quand même en 2004 quand il est sorti, hein. Donc j'y ai joué plus tard, mais déjà ils avaient pensé à il y avait divers chemins, il y avait divers façons d'aller à la mission, et déjà je trouvais ça plutôt sympa, quoi. Ça donnait différentes façons d'atteindre ton objectif. Exactement, et je trouvais ça plutôt intéressant. Donc c'est ce qui a fait que... Et ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure quand tu citais les deux genres de jeux que tu kiffais, c'était les mondes ouverts et le FPS, et en fait on retrouve ça là-dedans, et tu vois. Et voilà, exactement. Alors, si t'as pas joué à Crysis, je te le recommande, mais à fond. Ouais, il est très bon. Ouais. Alors après, dans mon souvenir quand même, c'est la première partie du jeu est vraiment ouverte, mais plus après, tu avances dans le jeu, plus ça devient linéaire quand même. Ok. Voilà. Mais ouais. Et si tu connais pas, alors j'allais dire que moi le premier jeu dans ce genre-là, parce que tu parlais de différentes façons d'atteindre l'objectif de mission, moi ça m'a rappelé tout de suite Hitman. Et bon, je conseille pas les anciens parce qu'ils sont vraiment très très très rigides. Par contre, les nouveaux, allez-y à fond. Ouais. En parlant de ça, la mini transition, c'est aussi que j'ai joué à quasiment tous les Tom Clancy, notamment les Splinter Cell. Ok. Donc je les ai quasiment tous faits parce que j'étais un grand grand fan avec mon père de jeux d'infiltration. Moi, je reste jusqu'à Chaos Theory. Après, j'accroche moins. Mais... ceux d'après, j'ai moins. Mais pareil, j'avais marqué Chaos Theory, c'était mon préféré. Mais la première trilogie, Chaos Theory, c'est le top. Oui. Chaos Theory, c'est sur l'un des meilleurs aussi. PC, je joue sur PS2, GameCube, Xbox. Parce que moi, j'ai souvenir. Alors, au départ, je pense que c'est le premier. C'est au départ, les Splinter Cell, c'est des exclus Xbox. Ouais, c'est ça, exactement. Exclus Xbox de base. T'as la jaquette verte là. Le premier épisode était que sur Xbox. Ah oui. À la base, le tout premier, il est Xbox. Les trois, à la base, c'était des exclus Xbox temporaires. Ouais. Parce que par la suite, ils sont sortis sur PlayStation. Alors non, ils sont sortis d'abord sur PC, par la suite, quelques mois plus tard. Oui. Un an grand max. C'est le premier Splinter Cell, il est sorti d'abord sur Xbox, oui, PC, et ensuite PlayStation 2 beaucoup plus tard. Okay, ouais, parce que moi, j'ai juste souvenir du Splinter Cell, je crois qu'il s'appelait juste Tom Clancy Splinter Cell. Ouais, le premier c'est ça, Pandora Tonio, cool, le second, c'est et ça que j'ai marqué, Chaos aussi, ouais. Theory, le troisième avec... Alors, ce qui est rigolo, c'est que le premier, c'était le meilleur solo de l'époque. Le deuxième, c'était... le meilleur multijoueur, ils avaient fait un mode multijoueur vraiment excellent. Le solo était un peu en retrait. Chaos Theory, c'est le meilleur des deux. Okay. Solo au top, multijoueur au top. Je sais pas si on peut y jouer aujourd'hui, le multijoueur, c'est dommage. Je sais pas, je pense pas, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que Chaos Theory, ouais, il était super. Même sur le plan graphisme, on avait pris une petite claque. D'un coup, on était passé sur quelque chose, là, c'était super réaliste. Gameplay, ils avaient rajouté. Ouais. C'est bête, mais ils avaient juste rajouté les couteaux. Oui, ça changeait tout. Le couteau changeait tout. On n'était plus dans cette petite infiltration un peu, pas bateau, mais bon, tu l'étrangles, machin, là t'avais ton couteau, donc tu devenais... Tu pouvais tout faire avec le couteau, tu voulais t'infiltrer par la tente, tu coupais le exactement tissu de la tente, tu passais dedans, tu passais derrière le garde. C'était dingue. En vrai, ouais. Juste le couteau, donc juste rajouter ça. Quand ils avaient annoncé ça, je me souviens, à l'E3, on s'est dit, mais, qu'est-ce que c'est que ça, nous rajoute un cure-dent, les mecs, mais c'est quoi cette histoire? Tu joues aux deux, non, ça changeait tellement tout le gameplay, c'était un pur bonheur. Du coup, t'étais sur Half-Life? Non, sur Far Cry. Désolé. Oui, sur Far Cry, oui. Voilà. Toujours chez Ubisoft, en fait. Oui, voilà. Oui, on va dire ça comme ça. Et après, forcément, bon, bah, j'ai joué au 2, au 3 et au 4. Après, je me suis arrêté, mais ça a été mon tout premier. Du coup, ça a été marquant parce qu'en fait, c'est la première fois que ton père t'a exactement, dit bah, vas-y, let's exactement. Go. Et j'étais avec lui, il était à côté de moi. Enfin, c'était énorme parce qu'en plus, je sais où, très bien dans la pièce sur laquelle on jouait, on jouait le petit grenier. On avait installé, il y avait tout le PC. On pouvait jouer là tranquille, et c'était énorme parce que ma mère des fois venait nous voir, c'était encore en train de jouer. Oui, on finit la partie maman. Et puis du coup, c'était énorme parce que on était là tous les deux, chacun avait sa partie quoi. Et puis c'est la toute première fois que j'ai pu vraiment faire un jeu moi-même. Et... aucun jeu sur PC. T'inquiète, on a ce qu'il faut. J'étais en train de me dire, là pour le moment, vous, c'est... j'ai mis que des jeux PC, alors je suis un joueur console. Oui, c'est clair. J'ai commencé sur PC, donc moi, oui, ça sera des jeux. Après, des jeux console, j'aurais pu en citer aussi, mais. Moi, j'en ai un petit peu. Étant donné que moi, je suis très, très PC, comme j'ai dit, je suis pas sectaire, mais très PC. Forcément, c'est les jeux c'est qui nous a fait le plus vibrer. La console portable. Après, tout à l'heure, je viendrai sur un troisième jeu qui est console, mais qui m'a marqué, qui est jeune, mais qui m'a marqué. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur ce jeu ou... Oh non, je pense que j'en ai assez dit. Alors tu notes Crysis et... Oui, c'est oui. Ça, c'est... Du coup, Fabien, tu avais un deuxième jeu. Ouais, est-ce que je pourrais rajouter un troisième vu qu'on était en... En fait, je veux juste raconter une anecdote. En fait, pourquoi PC, ça me vient que maintenant. Alors qu'au départ, j'étais plutôt console. J'ai eu ma transition PC. Aujourd'hui, je suis console, je ne joue pas sur PC. Du tout. D'ailleurs, j'ai un Mac. Donc, sur Mac après, les jeux sont bien optimisés, etc. Oui. Moi, la seule exception, c'est les jeux multijoueurs, parce que j'ai aucune envie de payer les abonnements. Oui, c'est pas faux non plus. Parce et que ça... les FPS que je préfère quand même au clavier souris. Voilà. Juste un exemple. Bioshock, ça va, mais Doom, je suis désolé, mais Doom, moi, je prends mon pied au clavier souris. On va y venir, en fait. Parce que voilà, moi j'ai... En fait, vous avez les mêmes jeux, c'est ouf. C'est l'anecdote en fait, c'est que en gros, j'ai grandi un peu au milieu des PC des OC. Le compagnon de ma mère était du genre à acheter des PC, des vieux PC aux enchères, au kilo. Hein. Ah ouais. Donc il montait des enceintes, des unités centrales avec les restes des autres. Donc il montait des PC régulièrement. Là, j'ai fait ça pendant un moment parce que je guettais petite anecdote vite fait. Mais je me souviens d'une école qui s'était débarrassée de ses vieux PC pour les remplacer. et ils voulaient les jeter. Moi, j'en avais récupéré 2-3 et avec ça, j'avais refait tout bricolé, toute une machine. Voilà, pour faire tourner les... Alors, c'est venu beaucoup plus tard, hein, c'était pour faire tourner les vieux jeux. Parce qu'à l'époque, alors, je ne sais plus si on était déjà sur XP ou... On était déjà sur XP, je crois. Mais certains vieux jeux sur les machines modernes passaient très mal. Mmh. Et je cherchais justement une vieille machine, mais vraiment le vieux Pentium, même pas le Pentium 2, le Pentium 1, vieux truc. Pentium 166. Vieux truc, quoi. Pour faire tourner ces vieilles carnes de Baldur's Gate ou autre que tu faisais tourner sur des machines plus puissantes. Ou, enfin, petite anecdote, mais Commando, le Commando... j'en parlerai peut-être un autre jour, je vais pas trop rallonger le podcast, mais qu'un jeu très particulier, vous cherchez, vous trouverez. Le problème qu'il avait sur les machines récentes, c'est que plus le processeur tournait vite, plus le jeu tournait vite. Oui. Donc tu pouvais plus suivre le jeu. Donc moi, je cherchais une vieille machine à l'ancienne pour faire tourner ces vieux jeux-là. En vitesse correcte. C'était un drôle de défaut. Ouais. Et moi, l'époque à je remonte, c'est vraiment l'époque de Windows 3.1. C'est un petit moment, et donc à cette époque-là... J'étais tombé sur MS-DOS. Non, bah, alors là, c'est vrai que finalement MS-DOS, il était intimement lié. Si je voulais lancer un jeu, il fallait que je sois invité de commande. Et à cette époque-là, je me souviens, je ne comprenais rien. J'avais quoi, 10 ans. Je ne comprenais rien aux invités de commande. Et ce qui fait que moi, je voulais jouer au jeu. Tu notais sur le papier, comme moi. Mais en fait, c'est que je ne pouvais pas voir, en fait, j'avais pas le droit de regarder. Et moi, en secret... Quand en fait le compagnon de ma mère partait, je démarrais l'ordi, je dis bon, c'est deux points slash, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors je testais des trucs. D'hier. Voilà, d'hier. Et j'ai finalement trouvé comme ça les invites de grande pour lancer les jeux, et notamment Doom, Duke 3D, donc Duke Nukem 3D, pardon. Duke Nukem 3D. Blood, Heretic, Wolfenstein 3D, tous ces jeux-là, des FPS de cette même époque, m'ont beaucoup marqué parce que c'est des jeux que je faisais un peu en secret. En même temps, si tes parents voyaient jouer à ces jeux, je me suis fait rapidement griller, mais ils se sont dit bon, bah ils jouent, voilà, pas de souci. Mais je devais découvrir comment. C'est un peu comme découvrir le mot de passe secret, le truc secret pour pouvoir atteindre la récompense. C'est cool comme anecdote. Tout premier jeu que j'avais lancé comme ça, c'était Prince of Persia qui devait passer par MS-DOS. Ah oui. Le tout premier. Et contre, c'est le pion qui m'avait appris. Puis il m'a dit tu écris ça et ça, j'avais noté sur un petit bout de papier. Ok, je note, et puis chaque fois que je voulais lancer Prince of Persia, ben, je retapais les codes. C'est énorme. Ouais, mais c'est marrant ce truc là Ouais, c'était mon anecdote au niveau rencontre avec le jeu PC. Voilà, c'est bien. Elle est cool. Tu avais peut-être un deuxième jeu. Moi, comme je vais raccourcir quand même, j'ai cité déjà deux jeux en rapport avec les salles de jeux. J'ai cité mon troisième jeu, beaucoup plus récent. Alors, j'aurais pu citer une tonne d'autres jeux qui m'ont plus ou moins marqué, hein, du Baldur's Gate, Planescape, Arcanum, les FPS que tu as cités, Duke Nukem 3D en tête, parce que j'ai toujours le thème de Duke Nukem dans le... Voilà. Alors, je fais des gestes. Duke Nukem 3D, allez-y, ou écoutez le thème principal. Je suis sûr que tout le monde la connaît, elle est tellement connue, c'est génial. Jouez pas à Duke Nukem Forever, pitié. Oui, mais ça, je pense que tout le monde non. On vous donne Duke Nukem Forever, c'est direction Corbeil direct. Et, par ailleurs, on s'en souvient, hein, dans les magazines en 97, des captures d'écran de Duke Nukem Forever tournant sur le moteur de. Ouais, tu te souviens du trailer qui avait de la gueule, ce trailer, quoi, ça te donnait la pêche, tu dis ouais, allez, dans un ou deux ans, ça va sortir. Ouais. Bah non. Mais non, c'est jamais sorti, ils auraient dû le sortir dans l'état, ça aurait été largement Max mieux. Payne aussi, claque graphique de l'époque, enfin voilà, j'aurais pu en citer une tonne. Ouais. Et non, finalement, je suis resté sur Zelda Breath of the Wild. Pas mal. Et qui vient de fêter ses deux ans. Ouais. J'aime bien les jeux open world comme toi. Un de mes meilleurs souvenirs dans le genre, c'est Morrowind. Pourtant, Dieu sait que Bethesda moderne, j'aime pas trop. C'est pas trop les jeux trop buggés, à mon goût. Mais Morrowind, j'en ai gardé un très bon souvenir. J'aimais bien les open world. Il y en a même plus anciens. Hein. Je me souviens, j'ai plus le nom. Je crois que c'est... j'ai plus le nom, non, je suis désolé, mais c'était un espèce de jeu de survie en open world. En 3D, mais tu sais, à l'ancienne, 3D en 2D. Très Wasteland ? Non. Non, non, t'avais déjà une vue subjective. C'était pas Deus Ex, mais c'était même genre de nom. Mais j'ai plus le. Là, j'ai pas. Je pense à Fallout. C'est trop loin. C'est trop loin pour que je m'en souvienne. Je suis désolé. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir d'entendre un Zelda. C'est mais bah, Zelda, pour plusieurs raisons, j'aime bien les open world, mais j'avoue qu'avant Zelda, ça commençait vraiment à être toujours la même chose, etc. Ça. On va peut-être se disputer tout à l'heure. Bah moi, j'avais envie de. J'avais envie de justement de cette. Comment dire. Cette aventure, de cette. Voilà. Vous sortez du plateau de prélude, vous avez votre environnement, fais ce que tu veux, tu te promènes, tu es libre, tu pars à l'aventure, tu vas, t'as pas de points, enfin si t'as quelques petits points qui te disent va là pour ta quête ou autre, mais tu es libre et ça m'a fait un bien fou. J'ai adoré vraiment ce sentiment de. C'est vraiment ça qui m'a marqué, même si le jeu a beaucoup d'autres qualités, ne serait-ce que dans les mécaniques du jeu, absolument fabuleuses. Mais juste ce côté, voilà, t'as ton monde, tu fais ce que tu veux. Mais ce qui est fou, c'est qu'on en revient et presque c'est... à chaque fois à parler de ce jeu. Presque à chaque fois. Eh bah, c'est pas fini. Et ah bah, au même titre que j'ai celui-ci, dit... Celui-ci, tu... Non, pas celui-ci, mais... Au même titre que j'ai dit qu'il y avait un avant, un après Half-Life pour moi, si je cite Zelda aussi, même s'il a que 2 ans, pour moi, il y a un avant, eh bah, je suis d'accord. Et un après. Et un exemple récent... Même si, bon, moi, je suis pas allé espionner chez Rockstar ni rien, mais je reste convaincu que Zelda a un peu influencé dans Red Dead Redemption 2, ne serait-ce que dans le système de craft qui m'a un peu justement rappelé Zelda, cette idée de « Ok, bah, tu fais ton petit feu de camp et puis tu fais ton petit craft au feu de camp. » Ça m'a un peu rappelé ça. On peut assez facilement retrouver sur Internet des interviews de développeurs, etc., qui disaient au moment de la sortie de Zelda que, en gros, dans tous les studios du monde, quand ce Zelda est sorti, tout le monde le décortiquait. Ça, oui, oui, oui. Parce qu'ils se sont pris une leçon de création de jeux vidéo monumentale, notamment sur le fait, par exemple, que c'est un des rares jeux où dès que tu vois quelque chose, tu peux y aller. Ouais. C'est et un truc tout con. Même sur la chaîne, bah, de toute façon, sur toutes les chaînes Nintendo, chercher les petites vidéos making-of de Zelda, c'est du pur bonheur à regarder. On voit la façon dont ils ont procédé et même qu'ils sont allés jusqu'à recréer le Zelda d'origine pour essayer les mécaniques de jeu, etc. Donc en 2D, vu de dessus, ouais, mais juste pour tester les mécaniques de jeu. Ah oui, mais je me souviens de ce capteur d'écran où on voyait des rapports avec Zelda 1 sur NES avec le Breath of the Wild. Oui, bah oui, ils ont repris. En gros, ils ont fait un petit moteur 2D et ils ont intégré toutes les idées de mécanique de jeu, de feu, etc. Et ils le testaient sur la version 2D. Ce sens du détail dans ce jeu, c'est ils incroyable. Se sont inspirés de la ville de Kyoto pour créer la carte. C'est pareil, la première fois que j'ai lancé le jeu, j'ai laissé la minimap. Je regarde autour de moi, je dis, mais je me repère parfaitement. Moi, j'ai des points de... J'ai enlevé la mini-carte. Ouais. Voilà, je me repère très bien comme ça. Enfin, je crois que je ne l'avais pas non plus, moi. Bah, moi, je l'ai très vite enlevé. Je l'ai laissé au début parce qu'elle était par défaut. Puis quand j'ai vu qu'il y avait plein de lieux que je reconnaissais sans aucun problème, je l'ai enlevé. Ok. Et c'est vraiment pour ce côté voyage, ce côté... Enfin, voilà, t'es libre. Enfin, t'as pas une putain de boussole au-dessus de la tête qui te dit « va par là » ou t'as pas... Non, t'as rien. Tu fais ce que tu veux. Et l'aventure. C'est pour... Voilà, et c'est pour ça que j'ai toujours pas terminé, parce que je passe mon temps à gambader dedans. Mais je fais et que en soi, ça. Il est sans fin. Et ben, il fait un pote qui a toujours pas fini non plus. Pourtant, mais tu peux être à 300 heures de jeu et tu avec continues petite... à découvrir des nouvelles choses. Avec sa petite mélodie qui revient de temps en temps, puis quand t'as plus la mélodie, bah, t'as le son de la nature. Il est d'une générosité. Par contre, moi, ce que je me dis, c'est que le Zelda qui va succéder à celui-ci, pas simple. C'est un remake. Mais pas simple, c'est-à-dire que... Non mais là, le remake, il compte pas, je pense qu'il parle plutôt d'une suite à Breath of the Wild. Ah, pardon. Oui. C'est le prochain Zelda. Elles sont attendues au tournant, là, les gars. Ils ont fait un jeu tellement incroyable que le prochain... C'est ça, le truc. Ouais. Forcément, moi, j'en serai déçu. Moi, forcément. Perso, mais c'est ça avec tout. Moi, perso, il me propose déjà la même chose, mais avec les armes qui s'abîment moins vite. Je suis content. J'ai déjà rien que ça, je suis content, moi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils pourront difficilement faire un pas en arrière. Je pense qu'ils ont passé un cap. Moi, j'ai un avis, je pense que le prochain épisode sera peut-être plus dense au niveau de la narration. Ah. Parce que finalement. Moi, c'est peut-être la partie qui m'a un peu manqué, justement, mais après, en fait, c'est un jeu d'une générosité, c'est-à-dire qu'il y a du contenu partout, il y a un sens du détail incroyable, c'est-à-dire que t'es dans une zone enneigée. Tu vas, et puis. C'est ça, tu vois une montagne, eh ben tu peux la monter. Fini de te cogner contre un mur invisible ou c'est fini. Ce jeu est incroyable. Rien que pour aller jusqu'au village Coco, c'est ça le premier. Mm-hmm. Enfin, moi je me souviens que j'en avais discuté avec un pote. J'ai dit, écoute, je suis toujours pas arrivé au village, quoi. Ça fait une quinzaine de jeux deux heures que je joue, j'y suis toujours pas arrivé. Parce qu'à chaque fois que je me dis, bon allez, cette fois j'y vais. Ah, il y a un truc là. Il y a un truc là. Il y a un truc là. Puis je suis parti, je repars, j'arrête pas. J'y suis jamais. Enfin si, j'y suis arrivé depuis, encore heureux. Mais j'avais mis un paquet d'heures avant d'y arriver, quoi. Parce que, pourtant, on me dit, bah écoute, tu peux y aller. Ou... Non, moi je. Toi aussi, t'es un peu complexe du genre, je dois aller là, mais je dois d'abord voir ici, là, c'est pas des secrets. Quoi. Bah, c'est pour ça que j'ai cité par exemple Hitman tout à l'heure. Bon, les vieux sont ce qu'ils sont, mais bon, moi j'avais joué aux anciens. Mais ce qui m'avait vraiment charmé dans ces anciens aussi, et plus dans le 2, parce que le premier était vraiment très très rustique. Et bizarre à jouer. Voilà, et bizarre à jouer, mais le 2, ça allait déjà beaucoup mieux. C'était justement ce côté, t'as une cible. Par contre, on ne dit pas comment faire, tu te débrouilles. Ouais. Ça, j'adorais. Et c'est vraiment pour ça que Zelda, au-delà de ses mécaniques toutes liées entre elles, toutes organiques, au-delà de ça, moi, c'est vraiment ce côté libre, ce côté tu lances ta console, tu sais que tu peux faire ce que tu veux. Et ça, j'adore. Enfin, ce que tu veux dans les limites du jeu, ouais, bien entendu. Mais Et du coup, Théo, j'ai dû comprendre à ton visage que tu voulais aussi parler d'un Zelda dans tes... Ouais, eh ben, c'est ça. Je te laisse enchaîner, à moins que tu voulais attaquer avec un autre jeu avant de parler de Zelda. Sur CDI. Ouais. Bon, ok, c'est bon, salut. Désolé. Hein. À la limite, oui, une petite parenthèse quand même. Enfin, parce que il peut t'avoir marqué. Hein. Oui. Pas forcément positif. Non, pas du tout. Du coup, parle-nous de ton deuxième jeu. Alors, c'est sur DS, c'était ma toute première console, toute première console portable qu'on m'avait offerte. Très portable aussi, voilà. J'adore donc, ça. C'était ma toute première, j'avais pas demandé ça et on me l'avait offerte parce qu'on vu que j'aimais bien le jeu vidéo et qu'elle était sortie dans le courant de l'année où elle est sortie. La tank. Celle qu'on appelle la tank aujourd'hui. La grosse grise. Non, la blanche. Donc ça c'était la DSi. Déjà... Ouais, sûrement, voilà. Ou la Lite. Ou la Lite. Peut-être, voilà, c'était une des deux. Et donc, en gros, on me l'avait offert, et le tout premier jeu que j'avais eu dessus, c'était Super Mario 64. Ah. Et là, c'était une pure partie de plaisir, quoi. J'y ai passé, mais des vacances et des vacances. Quand on allait en vacances, il était dans la voiture. C'est, pour moi, ça a été... L'un classique des... de la Nintendo 64. Mais celui-là, il est... J'aurais pu le citer. Hein. À l'époque, il est sorti, il a fait... C'est pareil, hein, au même titre que Zelda sur Switch. Super Mario 64, quand il est sorti sur la N64, oui. C'est pareil, quoi. Moi, je squattais une bande, j'avais rien de jouer pour jouer à ce jeu-là. Moi, j'y ai joué beaucoup plus tard, hein, honnêtement. Mais j'en chez Toys R Us. Oui. Mais non, pas Toys R Us. Non, c'était un jouet de land, un truc comme ça. Moi, je faisais ça pour jouer au jeu GameCube dans un Toys R Us. Ah ouais. Tu squattes la bande toute la journée. Ouais. Ouais, moi, j'ai fait ça. C'était pour Mario 64. Donc vas-y, parle-nous de Mario 64, mais je pense que là, t'as que des convaincus autour de toi. Ah bah ouais, non, mais là, je peux pas aller plus loin. Je sais même plus quoi dire de plus, parce que c'était, franchement, c'était l'un des meilleurs jeux que j'ai joué sur DS pour moi. Clairement, le temps que j'y ai passé... Et la DS, quelle console ? Ouais, bah ouais. Et c'est pour ça que ça fait une petite transition sur le Zelda. Mon père étant fan de Zelda, le 23 juin 2017, donc il y a un Zelda bon père, qui sort. Voilà, ah, oui. Quand tu dis père fan de Zelda, je suis désolé, moi ça me rappelle l'acteur... Williams qui nous a quitté il y a quelques années et qui a appelé sa fille Zelda. Je suis désolé, chaque fois qu'on fait ça, bien vu, petite référence comme ça. Et du coup, tu voulais parler de Zelda ? C'est ça, et donc là, il y a The Legend of Zelda, donc de Phantom Hourglass qui sort. Et c'était mon tout premier Zelda, moi, que j'ai joué. Et franchement, j'ai adoré parce que je trouvais que par rapport à tous les autres Zelda, ce qui différenciait, c'était en termes d'exploration, c'est-à-dire qu'on avait le système d'île. On pouvait aller avec son petit bateau parcourir un peu le... Ça existait déjà, ça. Oui, mais pour moi, c'était dans le tout premier jeu auquel j'ai joué. C'était... T'es nouveau. Voilà, pour le Zelda qu'on m'avait parlé avant. C'est cool parce que c'est pas un Zelda qu'on entend fréquemment dans les listes de Zelda qui ont marqué. C'est plutôt Link to the Past, c'est plutôt... Et ben moi, c'est celui-là qui m'a... C'est celui qui m'a le plus... Mais il était cool. Il était cool. Et il exploitait hyper bien les capacités de la DS. Je sais pas si tu te souviens. Moi, j'ai une anecdote sur ce jeu. Au bout d'un moment, t'es face à un truc... je crois que c'est un parchemin. Et t'as un deuxième parchemin ou quelque chose comme ça. Et là, je suis bloqué pendant des jours et des jours. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et un jour, j'en ai marre. Je ferme ma DS. Je la réouvre quelques tours. Ah. Et en fait, ça copiait ce qu'il y avait sur un écran sur l'autre, quoi. Je crois qu'il n'y a que Nintendo pour faire ça. Fallait y non, mais c'est où il y a que. Il y a des choses, ouais. Non, mais oui, là, on s'en tous d'accord sur le coup, là. Et c'est vrai que Phantom Hourglass était cool. Pour moi, ça fait partie des Zelda qui sont un peu sous-cotés, comme on dit. Ouais. Il est cool. Après, loin d'être dans mes préférés, mais je peux comprendre que. Je ne les ai pas tous faits, celui-là, je ne l'ai pas fait. Après, dans tous ceux que j'ai faits, celui que j'ai moins bien aimé, c'est le Zelda 2, justement. Ah oui. Avec sa vue de côté, etc. Très spécial. Et pourtant, c'est. C'est celui qui annonçait tout ce qu'on allait avoir par la suite dans les Zelda qui venaient. Il a imposé tous les trucs, après, plein d'armes qu'on a eues par la suite. Zelda, comme beaucoup de jeux consoles, c'est des jeux que j'ai connus beaucoup plus tard, ah oui. Notamment via des émulateurs aussi. Après, j'ai connu la NES à l'époque de la NES, mais c'était via le cousin, mais il n'avait pas, Zelda dessus, par exemple. Donc c'est des jeux que j'ai connus beaucoup plus tard. Ou... C'est pareil, c'est... parmi les jeux qu'on aurait pu citer, Metal Gear Solid, c'est un jeu, je l'ai connu sur PC quand il est sorti sur PC. Donc, bien, ah, après, ouais. Bien après sa sortie sur PlayStation. Il n'y avait pas du coup le truc qui... Comment dire de... Contre Psycho Mantis, tu devais en fait changer le port de la manette pour plus qu'il lise dans tes pensées. C'est ouf. Ça. Non, par contre, t'avais le code de, de la boîte. Ah oui, c'était le code derrière la boîte. Le code derrière la boîte. Ouais, c'était la fréquence radio. Pour. J'ai paumé le nom de la fille. Naomi ? Non, pas Naomi. Non, c'est pas la fille du général. Ah oui, la rousse, là. Ouais, la rousse. Ouais. Mais en tout cas, c'est cool que tu cites Mario 64 et. Meryl. Meryl. Et Zelda Phantom Hourglass, parce que généralement, c'est pas les jeux qui sont cités sur DS, c'est deux excellents jeux. Généralement sur DS qui va ressortir, c'est le Mario Kart DS. Ah, j'aurais pu le citer, hein. J'y ai passé du temps, mais non, pour moi, c'est pas ça qui m'a le plus. Les Pokémon, si je me trompe pas, même en achetant une 3DS aujourd'hui, tu peux jouer au jeu DS. Oui, oui, c'est donc, possible, toujours une fois. Même moi qui n'ai toujours pas de 3DS, je suis pas très console portable en fait. Sauf que la Switch est passée par là et maintenant je la traîne partout. Donc... Ouais. voilà. Moi, dans ma liste, il n'y a aucun jeu portable, mais j'aurais pu citer que des jeux portables. Hein. J'aurais pu mettre du Pokémon, du Advance Wars. Enfin, tout ça, c'est des jeux qui m'ont... Alexandra Lederman. Passion cheval. Vétérinaire et compagnie. Ça, c'est comme les Martin va faire ceci, oui, Martin exactement. Va faire cela, c'est la même chose. Ouais. Eh ben, moi aussi j'ai un Zelda dans ma liste, et c'est Zelda Wind Waker. Ok. Zelda Wind Waker. Remake. Les deux. Alors, même si forcément je pense à la version GameCube, parce que c'est celle que j'ai eue à l'époque, j'ai énormément de souvenirs dessus, notamment avec mon petit frère qui connectait avec un câble la Game Boy Advance à la GameCube. C'est vrai. Et on pouvait jouer l'un avec la Game Boy Advance et l'autre avec une manette. Tu pouvais brancher le... Avec ce jeu-là, je ne savais pas. Ouais. Et en fait, quand tu branchais ta Game Boy Advance à ta GameCube, sur ta Game Boy Advance, tu avais la carte du monde avec des informations sur les trésors qui étaient cachés sous l'eau. Ah ouais. Et en fait, justement, toute cette phase que les gens aimaient moins, où il fallait aller chercher les coffres sous l'eau, etc., et ben moi, c'est une phase que j'ai adorée. Parce que mon frère était à côté de moi, il était sur sa Game Boy Advance et il me disait « Ah ben le coffre, il est un peu plus sur la droite, etc. » Ah oui. Et en fait, tu crées vraiment une interaction avec quelqu'un d'autre. Ok. Je savais pas qu'il y avait ça. Alors, pourquoi ce jeu spécifiquement ? Parce que moi, je suis ultra fan de toute la licence Zelda. Je sais que techniquement, il y a des Zelda qui sont plus réussis que celui-ci. Mais en fait, c'est déjà pour son univers. Là où pour beaucoup ça a été une déception à sa sortie, puisque tout le monde s'attendait à un Zelda plus mature, ce qui donnera ensuite finalement Twilight Princess, parce qu'il y avait une démonstration à l'E3 qui présentait un Zelda ou un Link était adulte, etc. Il se battait contre Ganon, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Et à mon avis, c'est ce qui a servi par la suite pour Twilight Princess. Ouais. Du coup, il y a eu plein de déçus. Moi, ça a été totalement l'inverse. J'ai toujours adoré les ambiances un peu cartoon et tout. Là, ça a été incroyable. L'arrivée du bateau, et on parlait tout à l'heure de cette sensation de liberté, le fait de se déplacer librement dans le monde, là où tu veux, débarquer sur une île et trouver une cachette où il y a un petit truc, etc. Enfin, c'était complètement fou. Et l'ambiance musicale. Moi, c'est clairement ma BO de jeux vidéo préférée de tous les temps. La BO de Wind Waker est un régal. La musique de l'écran titre, je suis un grand fan. Ah non, mais complètement folle. Okay. C'est des jeux, tu laisses tourner la console jeu à l'écran titre. Non, mais il le faisait, ce monsieur ici. Ah, ben bah, oui. Il le faisait. Et là, juste quand je vous parle, j'ai la musique des phases quand on est sur l'océan en tête, qui était. Voilà, on a ce sentiment d'aventure. Et voilà, ça a été une claque de dingue. Le jeu est arrivé avec plein de nouveaux trucs, plein de nouvelles armes en quelque sorte. Il y avait la feuille qui permettait de planer. Ah oui. C'est mes boss aussi de jeu préférés. Alors effectivement, les mécaniques pour les battre, on les connaissait déjà. C'était un petit peu comme dans Ocarina of Time. Mais en termes de chara-design, c'était complètement fou. Chaque boss est plus impressionnant que le précédent. C'est des tailles démesurées, enfin, un jeu complètement, complètement fou. Et notamment dans ce jeu, il y a tout simplement ma phase de jeu préférée de tous les jeux vidéo au monde. C'est quand on est dans la tour des dieux, qu'on découvre que Hyrule, en fait, est sous l'eau. Alors, désolé pour le spoil, après, spoil, ça fait mal, avec, spoil. Avec 15 ans de retard. Ouais. La prescription, c'est bon. Mais il y a une cinématique absolument incroyable. Ouais. On redonne vie, en fait, au château d'Hyrule qui se trouve sous l'eau. Et le monde redevient coloré alors qu'il était en noir et blanc. Les créatures recommencent à bouger. Enfin, pour moi, c'est une des plus belles scènes de jeux vidéo, de l'histoire du jeu vidéo. C'est incroyable. Et je trouve que ce jeu est indémodable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met la main sur... sur ce jeu, il a hyper bien vieilli sur GameCube. Ouais. Les graphismes sont super beaux. Je me souviens à l'époque, j'étais traumatisé, mais positivement, hein, mais choqué par le fait que, en fait, le regard de Link se déplaçait en fonction de ce qu'il y avait autour. Il regardait à droite quand il y avait un truc sur la droite. Tu jouais avec la caméra, tu avais des mini-jeux dans le jeu. C'est un jeu qui était hyper généreux, je trouve. Mmh, c'est vrai. Voilà. J'en parle avec passion parce que je pense que si je devais sélectionner un jeu... En fait, il a remplacé Breath of the Wild par Wind Waker. Parce qu'en gros, c'est un peu la même... Le fond, c'est la même chose. Hein. C'est ce côté libre, les nouveautés, mais en fait, etc. C'était le Breath of the Wild de l'époque. Je pense que si j'avais joué à Breath of the Wild en étant ado, ce serait le jeu ultime. Parce que techniquement, Breath of the Wild est de loin meilleur à Wind Waker... Ouais, mais c'est une question aussi de direction artistique, etc. Même si je suis un joueur PC, les graphismes, c'est pas forcément ce que je regarde tout de suite en premier. C'est plus la direction artistique. Exactement, je suis complètement d'accord. Qui en dégage. Voilà, Wind Waker, peu importe la date. Indémodable. Le jeu, il tient toujours le coup. Il est trop beau. D'ailleurs, il y a des mecs à l'époque qui avaient fait une version HD du jeu qui tournait via Dolphin sur PC, qui était incroyable. Et le remake sur Wii U est très bien. Sachant que la Wii U a pas cartonné, attendez-vous à voir le jeu revenir sur Switch. De toute façon, la Switch est un tel succès, on peut s'attendre à ce que... C'est ça. Du coup, j'ai bien l'impression, Alexis, que ton jeu préféré, c'est celui-là. Ton jeu préféré... C'est mon jeu préféré. Alors, là-dessus, ça c'est sûr, Wind Waker, c'est mon jeu préféré de tous les temps. Sur Switch, je jouais Metroid Prime Trilogy, moi, plutôt. Hein, oui. En premier. Mais c'est personnel. Mais par exemple, Metroid Prime, j'aurais pu aussi le citer dans ces trois jeux, mais Wind Waker, c'est clairement mon jeu préféré. Le premier Zelda que j'ai fait vraiment tout seul, c'était Link's Awakening sur Game Boy. Et du coup, je suis hyper enthousiaste à l'annonce du nouveau. Je pense même que c'est mon deuxième Zelda préféré. Enfin, je sais que la direction artistique n'a pas plu à tout le monde. Moi, ça m'a pas... Ah, moi, j'ai adoré. M'a pas choqué. Moi. Mais ce Wind Waker, c'est, pour moi, c'est le jeu. Si je devais en garder qu'un, c'est celui-ci. Et si vous avez une GameCube et l'occasion d'y jouer, je vous invite à choper l'édition collector si vous arrivez à la voir. Parce que dedans, en fait, il y a la Master Quest de Ocarina of Time, et du coup, il y a deux jeux sur deux disques. La version ultime d'Ocarina of Time avec, bref, ce jeu, c'est un régal. C'est un régal. Il y a la case rétro qui, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un podcast dédié aux jeux rétro, qui a fait un numéro dédié à Wind Waker, parce qu'ils font à chaque fois un numéro dédié à un jeu. Et je l'ai écouté il n'y a pas très longtemps, et j'étais étonné, la plupart des chroniqueurs n'ont pas aimé Wind Waker. Et il y a seulement Punky, c'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube. Je pense que tu connais Punky, c'est un mec avec une casquette et des lunettes. Ah ouais, qui fait, il parle des bugs, il parle des speedruns. Ouais, par exemple. Et il parle hyper bien de Wind Waker, et je rejoins pas mal son avis, même si en fait les arguments des gens qui n'ont pas aimé Wind Waker s'entendent parfaitement. C'est hyper intéressant. Ouais. Vous avez donc votre troisième jeu à présenter. Ah bah toi, t'as déjà donné les trois, non ? Non, il y en a un qui comptait pas trop. Mais... Ah bah vas-y, vas-y. Je peux en rajouter un troisième. Ouais, bah je ferai vas-y, très Duncan. Cool. Bah moi, je vais juste dire mon jeu favori et mon genre favori. Vas-y. Jeu favori, 1998, encore, LucasArts, Grim Fandango. Mais oui. Mais je l'ai pas fait. Oh. Il est sur Switch, il est sur PC, version remasterisée, foncé. Il est sur PS4, il est sur Xbox. C'est quoi c'est il est partout. Grim Fandango. C'est un... Mais je me demande si je l'ai... il est sur PC, non? Je crois que je l'ai chopé PC, dans un bundle. PC, console, Switch, il est partout. En fait, je sais que beaucoup... Bon, on va pas... Là encore, c'est un gros débat, mais le rachat de Disney a été une bonne chose pour ça. C'est que ça, LucasArts a libéré les jeux. Mmh. Ça a permis de les voir revenir. Il y a beaucoup de jeux LucasArts qui sont revenus sur GOG aussi. Les jeux Star Wars, les bons jeux Star Wars. J'entends. Dark Forces. Dark Forces, Jedi Knight, les KOTOR. KOTOR, Les KOTOR foncés. Mais voilà. Moi j'aimais bien ce sur GameCube. C'était, j'ai un trou de mémoire. Rock. Voilà, Rock Squadron et compagnie. Ah oui, Rock Squadron. Trop bien. Mais voilà, mon genre favori, point and click. Jeu d'aventure, okay. Point and click. Et Grim Fandango marque un peu la fin de, cette, oui. de cet âge d'or. Ouais. Même s'il y a eu Monkey Island 4 un an après à peine. Le 4, donc il était en 3D du coup, c'était parti. Ouais, oui, il était en 3D. 3D, c'était le même moteur, c'était le Grim Engine. Ouais. Mais ça a été la fin de cet âge d'or jusqu'à, pour moi, jusqu'à l'arrivée de Runaway, qui a commencé à relancer le truc. Puis les jeux indés qui ont permis de faire revenir pas mal de jeux de ce genre-là. Il y a, je crois qu'il y a Thimbleweed Park qui est sur Switch. Oui, et après, il y a eu tous les jeux style Walking Dead, The Wolf Among Us. Alors, c'est un peu différent, mais ça rejoint le côté. C'est un peu l'évolution, quoi. Un Walking Dead, c'est de la narration. Mais je considère plus ça comme des jeux narratifs. Mmh. Ouais. Le plus proche, moi, que je dirais, qui me rappelait ça quand même, c'était Heavy Rain. Ouais. Alors je sais que le jeu est critiqué ou pas, ça c'est pas la question. Moi la seule chose que je dirais dessus, c'est que je me souviens encore de David Cage qui disait que c'est révolutionnaire, plusieurs fins, etc. Non monsieur, 97 il y avait Blade Runner qui proposait déjà 9 fins différentes. Ouais. Mm-hmm. Ça aussi c'est un gros jeu du cœur, mais c'est aussi mon film préféré. Il y a préféré. La même époque que Heavy Rain, il y avait Catherine aussi. Il va le placer ce Catherine. C'est fait. Mais voilà, vraiment Grim Fandango... c'est le jeu que je relance quasiment chaque année, qui est sorti sur Switch en plus pendant la période d'Halloween. Moi, quand j'ai vu débarquer, j'ai dit, m'en fous, moi je prends tout de suite, j'y vais tout de suite. Voilà. 4 heures d'affilée, mais tant pis. J'ai... Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre en version remasterisée, version originale 98. Ouais, c'est rapidement. Genre, c'est sympa. Ouais, et avec les commentaires aussi. Avec les commentaires. Des développeurs, c'est toujours très agréable. Et Tim Schafer et tout ça. Tim Schafer et compagnie. Donc voilà, après, par extension, jouer au Monkey Island. Il y a les deux premiers remasterisés. Bon, le troisième... si le troisième est sorti et a été traduit en français sur GOG, aussi, un peu plus tard, mais il est arrivé. Day of Tentacle, remasterisé. Full Throttle, remasterisé. Siberia. Ouais, Siberia. Siberia. Bah, Siberia, c'est pas LucasArts, mais allez-y. Hein, non, mais comme tu parlais de... Non, il y a non, aussi des mécaniques de point and click. En plus, le 3 est sorti il y a peu de temps. Ah ben oui. Donc, on a même accueilli ici. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc allez-y, la trilogie Siberia aussi, ouais, pas de problème. Mais, Il y a un point and click qui est sorti sur Xbox 360 qui s'appelle Grey Matter, qui est très sympa aussi. Et qui est sorti après sur PC. Ah oui, sur PC. Disponible sur GOG, encore une fois. Ouais. Très bon jeu. Allez-y. Mais... Dur à trouver sur Xbox, mais facile sur PC, évidemment. Ouais. Donc à l'origine, moi j'étais parti sur Half-Life, Quake 3, donc j'ai réuni en un seul Zelda. Mais voilà, je voulais quand même citer Grim Fandango, mon genre de jeu favori. Après Point and Click, c'est les RPG à l'occidental. C'est pas forcément les FPS. Les FPS viennent en troisième. Mmh. Et toi, Fabien, t'avais un troisième jeu Troisième jeu, bon, je suis un fan d'RPG, mais aussi de Survival Horror. Donc forcément, Resident Evil revient encore sur le devant de la scène. Notamment pour une anecdote, toujours sur PC. Je l'avais commandé, je devais le recevoir à Noël. Jeu Survival Horror à Noël, c'est pas mal. Hein, ouais, c'est clair. Je t'ai abonné à avoir mon Tomb Raider tous les ans. Normalement, Tomb Raider 1, 2 et 3, je les ai eu à chaque fois à Noël. Alors, ça fait partie des jeux, je pourrais pas rejouer aujourd'hui parce qu'à l'époque j'avais trouvé ça tellement rigide. Ouais, rien que le souvenir de compter 1, 2, 3 à reculons pour faire le super saut. Oui. Non. Ouais, c'est donc, ça a mal vie. Et donc pour Resident Evil, en fait, il sortit d'abord sur console et ensuite sur PC. Et je me dis, bon, je vais le commander sur PC. À cette époque-là, donc c'était en ben, du coup, 80... Non, c'était pas les 3 Suisses, c'était la Redoute, 80... cette fois. Non, non, même pas, même pas. Non, je l'avais vraiment vu, en fait, je l'avais vu la boîte, etc. Et, mais voilà, on m'a dit, tu l'auras à Noël. Pas de souci. À cette époque-là, les cartes 3D étaient rares. Les gens qui en avaient sur leur ordinateur, c'était rare. Je dis, bon, soit, pas grave. Je prends le jeu, je l'ai à Noël. Je l'installe le jour même en 4 minutes. Mais tu peux pas y jouer. Et je ne pouvais pas y jouer. Ce qui s'est passé, c'est que le jeu se lançait. Ouais, première image après la cinématique du début, un peu kitschounette en full motion. J'aime bien justement ce côté kitsch, côté nanar. Voilà. Et première image. Où meilleur que les films même, je suis désolé. Ouais. La cinématique est meilleure que tous les films de Paul W.S. Anderson. C'est dingue. Bah ouais. Et donc, première image avec le moteur du jeu dans le manoir, boum, crash. Et là, je fais une merde. Je relance le jeu. Pareil, je relance le jeu une troisième fois. Bon, je formate mon ordinateur. Ah ouais, t'es allé loin. Ouais, parce que j'étais un peu... Voilà, je savais comment formater à cette époque-là. Quand même, déjà. Moi, tous les mois, de toute façon, Windows 95, il plantait. J'étais obligé de réparer le PC tous les mois. Ah ouais. Donc, tous les mois, il y avait le formatage. Et donc, moi, je comprenais pas. Je dis, mince, mon bon, c'est bizarre comme cette histoire. Puis, je prends la boîte. Et là, je vois marqué en bas un petit logo. 3D FX. Et donc, en fait, à ce moment-là, j'avais pas Internet, j'avais rien. Maman, je veux une voodoo. Bah, c'est un peu ça, en fait. C'est qu'en fait, j'en ai profité. J'allais au travail de compagnon de ma mère à cette époque-là, un dimanche, parce qu'il y avait Internet à son travail. Et j'avais noté tous les sites que je devais aller voir pour récupérer des images ou quoi que ce soit. Et pour me renseigner sur Resident Evil sur PC, pourquoi ça marche pas sur un PC, sur Windows 95, qui était correct. Il mettait carte accélératrice 3D nécessaire. C'était sans rare. Ça, tu ne pouvais pas. À l'époque, c'était rare quand même. Le jeu qui demandait. D'accord. Moi, je l'ai joué beaucoup plus tard, donc j'avais déjà une carte 3D. Bah ouais. J'avais pas eu ce souci, mais. D'où l'avantage quand même des consoles. Bah ouais, complètement. Et du coup, j'ai commandé ma carte 3D pour mon anniversaire 6 mois plus tard. Après, 6 mois sans pouvoir. Après, 6 mois, regarder les cartes d'écran. Pour une petite anecdote, on a eu l'effet inverse aussi sur PC quelques années plus tard avec Outcast qui ne fonctionnait que sur les processeurs. Là. Et on était déjà à l'époque où on partageait la puissance sur le processeur et la carte graphique. Mais oui. Donc on se disait, c'est pas grave si j'ai un petit processeur, si j'ai une bonne carte graphique, ça fait l'équilibre, etc. Puis t'as Outcast qui arrive qui te dit, ah non, faut un Pentium. Je crois que c'était 500 MHz à l'époque. C'était même un Pentium 3. Pentium 3, 500. Mm-hmm. Pas de carte graphique. Mais attends, moi j'ai encore mon vieux Pentium 2, ma carte graphique, et ça me suffit à jouer à tous les autres jeux. L'anecdote inverse pour moi, j'avais pas le processeur puissant pour Outcast. Bah, j'ai eu le même truc que toi, je jouais à la démo, j'ai fait c'est une catastrophe, ça saccade de fou. Et j'ai rattrapé mon retard parce que j'ai fait le remake l'année dernière, en septembre. Oui. Voilà, j'ai pas encore joué, paraît qu'il est bon. Bah, il est bon pour ceux qui ont connu le jeu de l'époque. Parce qu'il y a les voix de l'époque. J'ai gardé un très bon souvenir du jeu de l'époque. Les musiques. Ah, les musiques sont chouettes. Qui étaient très chouettes. C'était orchestral. Après, le remake, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas dire si je peux le conseiller ou pas. Si le remake est un minimum de bon par rapport au jeu original, je le conseille. Parce que moi, j'ai gardé un très bon souvenir de le cast. Graphiquement, il a été mis à jour. Après, tu vois toujours, il n'y a pas de problème de proportion. Tu vois, les objets, ils sont énormes dans les pièces. Ah, tu te dis, c'est quoi ce truc, quoi. Bah oui, mais à l'époque, c'était en voxel. Voilà. C'était très pixelisé, donc tu étais obligé de faire les objets gros. Voilà, donc les armes, t'arrives au genou, quoi. La taille de l'arme, t'arrives au genou du personnage. Mais il fallait les voir à l'époque. Bah ouais. Les clés, c'était les grosses clés. Et comme c'était du pixel, bah, il fallait les grossir pour qu'on les voit bien. Si tu faisais les trucs de la taille normale, bah, soit tu faisais du bitmap en 2D, c'était moche, tu voyais pas grand chose. Donc voilà, ils avaient. Mais c'était un parti pris. Mais Et le héros avait la voix de Bruce Willis en français. Et puis il y avait des accents un peu, qu'on dirait clichés. Ouais. Bonjour Lolo Kai. C'était très cliché. Ah, mais c'est, dans c'était, le mec, c'est plus, c'était encore plus, si vous prenez la version GOG sur PC, encore une fois, je suis désolé, c'est la plateforme préférée. T'avais aussi les bêtisiers. Je sais pas si tu te souviens fausses pubs. Oui, oui. T'en as même une, tu vois une image complètement surréaliste de PNJ qui se cognent contre le mur, qui font n'importe quoi. Mm. Et t'as Bruce Willis qui débarque, le héros du jeu, il dit, bah voilà, ça c'est l'intelligence artificielle dans toute sa splendeur. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas cité tous nos jeux PC. Hein, sinon... Ah, c'est clair. Enfin, pareil pour nous, je pense. Moi, j'ai PC et console, j'en aurais plus à dire. Théo, tu avais un troisième jeu, du coup. Le jeu qui m'a lancé dans le multijoueur. Ok. Que j'ai découvert. Alors, j'étais en 6e, 5e quand il est sorti. Donc, c'était en été. Donc, j'étais parti en vacances en Vendée avec un pote. Puis là, on va au Micromania. Rendez-vous habituel au week-end. On y va, on rentre. Donc, il y avait des écrans plats et tout. L'I3 venait d'être passé il y a un moment déjà. Puis là, il y avait un jeu d'action, là, ça, c'était pas mal, le trailer me donnait envie, donc je le vois, je continue, je faisais que le regarder, tu vois, je regardais même pas les rayons, j'étais à fond dessus. Donc là, j'arrive à la caisse et tout, puis le gars, il me fait, tu regardes le jeu, là, puis je fais, ouais, il a l'air super intéressant, mais c'est quoi, du coup, il fait ça, c'est Battlefield 3, ça arrive bientôt. Ouais, tout content et tout, donc, ok, on fait l'achat et tout, j'ai même mon sac Battlefield 3. J'entends de me prendre un coup de vieux, là, d'un coup, parce que pour moi, Battlefield 3, c'est encore assez récent. Pour moi, en fait, bah ouais, mais c'est vrai, mais c'est oui, ça mais... qui est intéressant. Dans ma tête, BF3, c'est récent. Moi, je me suis dit, attends, il va apparaître premier jeu multijoueur, les fans de Battlefield. Ouais, bah Battlefield 1942. Non, même pas. Non. 2042, peut-être, non plus. Battlefield 2, non, le 3. Bad Company, non. Ah, merde, ça me paraît tellement récent, moi, le 3. Bah ouais, donc on rentre, tout ça, donc de vacances, puis j'en parle à mon père, et puis là on fonce l'acheter. Là je commence, je découvre le solo, je fais toute la campagne. Ouais, puis c'était pas long. Non, mais c'est vrai, elle était pas longue, mais moi à l'époque j'avais vraiment l'habitude de faire que les campagnes, le bouton multijoueur, j'y cliquais jamais dessus. Mm. Puis un jour j'arrive chez mes grands-parents, un matin il est 8h, je me dis bon alors, je fais quoi, je lance le multijoueur, qu'est-ce que c'est en fait? Parce que j'avais jamais vraiment fait des jeux multijoueurs, je jouais pas du tout à ça à l'époque, je faisais que du solo. J'appuie sur le bouton multijoueur. Paf, ça m'envoie en conquête sur la fameuse map métro. Et donc là, c'est parti, j'arrive, là, 32 coéquipiers, je comprenais c'était rien. Au début du jeu, ça va? Parce que je peux te dire que plus tard, le métro, tu restais au guichet, tu bougeais plus haut. Oui. T'avais les mecs en face ou lance-grenade, n'avançais pas. Ah bah ça, c'est la fameuse map la plus... Les c'était... Américains contre les Russes. Voilà, hein, la map au début était géniale, puis ensuite, elle était complètement pourrie, tu pouvais plus passer le guichet, t'avais les mecs en face, sniper, lance-grenade, le soigneur qui passe derrière, qui soigne tout le monde... Tu avançais pas. Oui, l'avantage aux Russes tout le temps. Tu avançais pas. Puis les autres de l'autre côté, passez par là, passez par là. Non, tu passes pas. C'est foutu. Cette carte-là, c'est cuit. Ah, mais oui, mais c'est pour ça. Dès que je voyais métro, rage quitte. Et ça, tu y jouais sur PC? PC, ouais, j'ai commencé sur PC. Et après, plus tard, je l'ai racheté sur PS3. Ok. Pas si longtemps que ça d'ailleurs, parce qu'avec un pote, il avait pas joué au 3. Je lui avais dit, bah écoute. Moi, c'était l'une de mes meilleures. Et du coup, il y avait encore des gens en ligne? Mine de rien, il y avait beaucoup de gens encore connectés. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai regardé le taux de connexion parce que je réfléchissais peut-être me le prendre encore sur PC quand je l'aurai. Et malheureusement, là, non, le 3, par contre, c'est fini. Il y a plus de monde. Mais... Bah, autant depuis, le 4, ouais, mais... Il y a le 4, le truc... Parce que Battlefield 3, c'est un jeu de camp. Il a 10. Alors, 10, j'étais en 6e, 5e. Ah, donc 9 ans, j'ai presque envie de dire 2013, mais je me plante. Oula, non, plutôt encore, je pense. Je pense aussi. Plutôt. Ouais. Pourtant, moi, ça me paraît tellement récent, le BF3. Ouais, mais ça m'a tellement marqué, ça a été le premier. Donc, mine de rien, même 2010, ça a déjà 9 ans. Mais ouais, c'est vieux pourtant. Même donc, lui, il n'a pas connu Battlefield 1942 avec GameSpy. Non, bah de nos noms, quoi. Je regardais un petit peu, mais j'y jouais pas, quoi. Ça va, j'aurais pu dire Quake 3 avec BattleEye. Ouais. Bon. Non, mais... T'avais encore des petites choses à. Moi, je vais peut-être enchaîner rapidement parce que je vois l'heure passer. Vas-y, fonce. Je vais finir par Journée. Ah, jeu indé sorti en 2013. Moi, j'ai eu l'occasion d'y jouer sur PS3 à l'époque, que j'ai refait X fois depuis. Pour l'anecdote, c'est un jeu que j'avais acheté pour la médiathèque où je travaillais avant. Et sur une pause déjeuner, je me suis dit, bah tiens, je vais l'emprunter pour le tester, puisque ça m'intriguait, j'en entendais parler un petit peu dans les médias, droite à gauche, les gens disaient « Ah, c'est un jeu vidéo, mais c'est pas exactement un jeu vidéo comme on l'imagine. » Bref, ça m'intriguait. Et en fait, sur ma pause déjeuner, je l'ai fini. 2 heures à peu près pour le finir. Grosse claque. Claque monumentale, jeu à ambiance. On a un personnage qui se réveille au milieu du désert, on ne sait pas qui il est, où il est, où il va, ce qu'on doit faire. Et en fait, le jeu est tellement bien pensé que naturellement, tu vas aller dans la bonne direction, comprendre comment avancer. Et en fait, c'est à la fois un jeu d'exploration, d'ambiance, mais aussi une espèce de jeu à énigmes. Il va falloir par moments essayer de comprendre comment on avance, etc. Puis je l'ai refait une deuxième fois, une semaine après, cette fois en activant les options online. Et en fait, j'ai eu l'impression de redécouvrir le jeu. C'est ce que j'allais te demander, j'allais me dire, mais attends, dans mon souvenir, il n'est pas en multijoueur le jeu ? Eh bien en fait, on peut le jouer en solo, alors déjà j'ai une claque dingue, mais avec le online, en fait, tu vois apparaître un deuxième personnage qui te ressemble, sauf que tu n'as aucune indication sur qui le contrôle, c'est-à-dire que tu ne vois pas le pseudo de la personne, tu n'as aucune possibilité de communiquer avec lui, c'est-à-dire que tu ne peux pas lui envoyer de messages, tu ne peux pas ni écrit ni vocaux. Et en fait, on a juste la possibilité de créer une espèce d'onde autour de soi. Et en gros, on va se faire comprendre par nos mouvements qu'on va avancer ensemble dans telle ou telle direction. Et c'est en ça que le jeu est incroyable. C'est un jeu qui se fait très vite, mais qui est hyper efficace. Et aujourd'hui, même dans le cadre de mon métier, je m'en sers pour faire découvrir le jeu vidéo à ceux qui n'ont jamais joué au jeu vidéo. Parce que pour un adulte qui peut avoir des fois des a priori sur le jeu vidéo, qui va dire « Ah bah c'est peut-être un peu violent, un peu compliqué, c'est pas facile à prendre en main à cause de la manette. » Voilà, c'est facile à prendre en main. Et bah c'est ça. C'est, tu comprends tout de suite. Même en regardant, tu comprends tout de suite. Et tout de suite, les gens, même quand ils n'aiment pas le jeu vidéo, se disent « Waouh, c'est beau. » Ouais. C'est beau. C'est sûr, je ne vais pas leur faire découvrir le jeu vidéo avec Diablo. Moi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. C'est que... Non, mais c'est vrai que c'est ça qui est bien aussi sur ces jeux-là, même si ce n'est pas ceux qui m'attirent le plus. C'est vrai que c'est des jeux tellement accessibles, et mais qui ont aussi leur ambiance, leur poésie. C'est le mot, c'est un jeu poétique. Il y a un autre jeu aussi que ça me rappelle, c'est, je crois que c'était sorti un peu avant, c'est Flowers. Ouais, c'est le même éditeur, c'est Zad Game Company. Ouais, tu avais Flowers un peu avant. Ça, ça marche hyper bien. Tu te promenais juste à pétale. Ouais, et tu redonnes vie à des champs. Ouais. Bref, journée grosse, grosse claque. Et par la suite, en plus, ça m'a donné envie de m'intéresser à la scène indé. Ouais. T'as mis un peu de temps quand même. Mais en fait, j'avais déjà joué à quelques jeux. J'avais joué à du Super Meat Boy, j'avais joué à du Limbo, etc. Ouais, donc mais gros. Là, ça avait été une claque, et à partir de là, je me suis dit, il y a vraiment des trucs de fou sur la scène indé, même si j'étais déjà plutôt convaincu. Là, ça a été la baffe qui m'a fait. T'as fouillé, disons que tu regardais les un peu comme moi, mais c'est venu un peu plus tôt. Mais tu voyais les gros jeux. C'est ça. Voilà, et puis tu t'es dit, ouais, mais il y a quand même des trucs intéressants. Puis t'as commencé à fouiller. Alors, faut y aller, fouiller dans le store Steam, faut y aller. Enfin, pour moi, c'était Steam, mais faut y aller. Ou GOG même, t'avais aussi. Encore que GOG, il mettait en avant certains jeux plus que d'autres. Donc, voilà. Mais il fallait fouiller. Mais fallait qu'on y revienne à GOG. Hein. Ouais, mais nos DRM, quoi. Putain, mais c'est génial. Je peux embarquer le jeu tout où je veux, moi. J'adore Darkest Dungeon. Et sur le PC portable, sur le PC fixe, et même sur la Switch, tu vois, complètement taré. Mais tu peux embarquer le jeu n'importe où. Mais après, pour en revenir à Journée, et aussi sur PC. Ouais. Mais sur Steam. Ouais. Voilà. Mais bon. Et Journée a eu le droit à une réédition sur PS4. Ah, ouais, ça j'ai vu ça. J'ai entendu et pas. Du coup, autant la version PS3 n'est pas si simple que ça à trouver, parce qu'elle n'a pas été énormément éditée, mais elle a été rééditée sur PS4, c'est assez simple à trouver, et en plus de ça, en version physique. Ouais, je la possède. Et sur la version physique, en plus, il y a aussi Flower et Flow. Et sur PS3 aussi hein. Oui, sur les deux versions. Du coup, ça permet de découvrir en fait les trois premiers jeux de l'éditeur. Ouais. Flow, qui est une espèce de jeu, on incarne une espèce de plancton et on joue au rythme. Ouais. Ouais. Flower, c'est on c'est est un pétale qui redonne vie à des environnements naturels, et donc Journée. Et pour moi, Journée, ça reste pour le moment aujourd'hui le meilleur jeu de That Game Company, parce qu'ils ont sorti ensuite le jeu sous-marin Anbu. Abzu, qui les embouts, c'est dans Naruto, c'est les mecs qui ont les masques. Je pensais pas jouer à ça. Et Abzu qui est chouette. Alors là, il était beau, c'était sûr. Ouais, bien joué. Abzu est chouette, mais pour moi, pas au niveau d'un Journée qui est une réussite totale. Pour moi, il y a rien qui ne va pas dans Journée. Tout colle. Après voilà, c'est un petit jeu, faut pas s'attendre à quelque chose qui dure mais 10 heures plutôt. Réussite totale, je recommande totalement. Je pense qu'on finira là-dessus. D'accord. J'aurais bien fait un tout petit dernier truc. Vas-y. Si on arrivait à dire par exemple quel est notre jeu favori, juste pour le citer comme ça. Non. Moi je viens de le faire. Bah, moi c'est Tom Mango. Wind Waker du coup. Mais je peux en citer un autre. Moi c'est Chrono Trigger. Ouais. Ah celui-là je l'aime bien. Une ressortie sur Switch par exemple. Et il était ressorti sur Nintendo DS. Ouais, il était ressorti sur DS. Ça m'intéresse. Théo est bloqué. Ah c'est la patate chaude. Ouais, c'est pas grave. Crisis, même si tu as pas joué. Il va dire Far Cry je pense. Ça sera Far Cry. Hein. Ouais. Okay. Moi je vais en sortir un petit dernier parce que j'y joue régulièrement. FTL. Okay. Ah Faster Than Light. Et Into the Bridge mais bon je préfère FTL. Juste avant de finir, c'est assez chouette. On a reçu, j'ai reçu un mail la dernière fois d'un gars dont le pseudo est Le 16, si je me trompe pas, qui disait que ce serait cool que de temps en temps on suggère des petites chaînes YouTube sur le thème du jeu vidéo qui nous plaisent. Et je me suis dit, ça introduit en quelque sorte une espèce de courrier des lecteurs, on pourrait dire. Ouais. Et du coup, moi, j'ai un peu réfléchi. Alors, il m'a donné une liste qui est déjà assez costaud. Il y a deux qui viennent en tête tout de suite. Vas-y. Moi, j'en ai. Alors, je vais en citer deux rapidement. Les chroniques de Monsieur Plouf. Oui. Ouais, je connais. Oui. Et Pseudoless. Ouais. Et pas. Pseudoless. De mémoire, Pseudoless, il l'a mis dans la liste des trucs qu'il regardait déjà. Tu voulais dire quelque chose, toi, Théo ? Jean-Baptiste Chaud. Je moi, connais j'adore. Pas. Oui. Oh, Jean-Baptiste Chaud, moi j'adore. Si tu connais pas, va voir, ça vaut le détour. Très rapidement, qu'est-ce qu'il... Bah, en gros, ils disent qu'il va pas dans les jeux, puis okay. Il y a toujours cette part de quand même de positif. Mais tu préfères les Versus, c'est ça ? Voilà, Overwatch versus Paladin. Par exemple. Je vais conseiller une chaîne, donc c'est un testeur de jeux vidéo qui s'appelle Monsieur Toc. Oui. Que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a une bonne élocution. Ouais, il explique bien les jeux, il prend son temps et c'est agréable à écouter. Et moi, je finirai par un que j'ai cité tout à l'heure dans la discussion, pas parce qu'il était dans ma classe à l'époque, mais vraiment parce qu'il fait un travail qui est complètement fou. C'est Doc Gero. Il fait des super chroniques, notamment sur le game design. Il explique comment on conçoit un jeu vidéo. Il a travaillé pour Ubisoft, etc. Ce qui fait, c'est top. Cool. Bref, hyper intéressant. Juste avant de se quitter, on vous propose, comme tous les mois, de voter pour le sujet de la prochaine fois. Deux sujets nous sont venus à l'esprit. Alors, il y en a un qu'on a récupéré de la dernière fois, parce que c'est un sujet qu'on aimerait bien aborder. Après, ça, on peut l'aborder un peu n'importe quand, donc ça reviendra sur le tapis, même si c'est pas celui ça reviendra, qui reçoit les votes. Comment les choses tournent, ça peut être au prochain E3 s'ils annoncent des trucs, mais ça m'étonnerait. Oui. Ça viendra un jour ou l'autre, ce thème-là. Donc, c'est... jeux vidéo vers le tout dématérialisé, point d'interrogation. Et l'autre sujet, c'est... Quelles sont nos attentes pour le 3 2019 ? Donc, on vous laisse voter, comme d'habitude, en dessous de ce podcast, peu importe la plateforme. On est maintenant aussi sur YouTube, bref, on est partout, sur Google Podcast aussi depuis peu de temps. Via les descriptions, vous trouvez le lien et vous pouvez voter pour le sujet qui vous intéresse le plus. C'est en train d'envahir le monde avec Fcast. C'est ça. On va faire concurrence à Silence on joue. c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment... C'est une chaîne YouTube aussi, on vous conseille. Voilà. J'ai pas fait exprès de les citer. Non, mais c'est très très bien. Tout seul, mais voilà, vous les conseillez aussi. On se donne rendez-vous dans un mois. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous trois pour ce nouveau podcast. Et j'espère que les auditeurs auront passé un bon moment. Salut les gars. Jouez sur PC. Salut. Salut. Salut.